Puisqu'aujourd'hui, eh bien, en effet, le soleil sera encore bien présent. Il y aura tout juste quelques nuages qui bourgeonneront l'après-midi. On a encore un petit peu de brume dans le fond de certaines vallées, mais c'est quand même assez limité. Les températures, 22 à 23 sur les hauteurs, 24 à 26 dans le centre. Et les 26, c'est plutôt pour la campagne et l'extrême sud. Demain, il y aura davantage de nuages. Un risque de quelques gouttes, notamment sur le nord du pays. On garde 20 à 24 degrés. On remonte entre 22 et localement 26 degrés vendredi, car les éclaircies seront à nouveau plus larges. Et puis le week-end sera un petit peu plus mitigé. Quelques averses samedi, elles seront plus fréquentes dimanche. Heureusement, les températures se maintiennent. Regardez l'heure, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il n'y a plus de départ de combattants belges à l'étranger depuis le début de l'année. Un zéro départ, mais 614 Belges se trouvent toujours sur les terrains de guerre en Syrie et en Irak, ou bien alors ils ont été en cours de route, ils ont été arrêtés en cours de route. Aucun nouveau départ donc depuis le 1er janvier. Preuve que les campagnes de prévention et les mesures de prévention semblent porter leurs fruits. Les autorités ont évidemment pris très au sérieux ce phénomène un peu particulier qui est observé partout dans le monde. C'est le taux extrêmement élevé pour un petit pays comme la Belgique de départ vers la Syrie et l'Irak. Des mesures ont été prises pour démanteler des réseaux de recrutement, pour combattre le prosélytisme pro-djihadiste. Donc on peut penser que ces mesures au moins expliquent en partie ce tarissement des départs, même si ce n'est qu'une hypothèse. Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l'Université catholique de Louvain. Parmi les autres explications, les multiples défaites du groupe État islamique sur le terrain et le changement de stratégie aussi du groupe terroriste qui appelle ses sympathisants à rester chez eux pour commettre des attentats. Plus qu'une fois dormir, donc, avant de reprendre le chemin de l'école. Oui, demain, des milliers d'enfants retrouveront leurs petits camarades de classe et leurs professeurs et instituteurs, tous sauf ceux de l'école Sudbury à Genval, dans le Brabant wallon. Là-bas, il n'y a pas de prof, pas de cours, pas d'examen non plus. Les 10 élèves âgés de 6 à 16 ans apprennent tout par eux-mêmes, une méthode venue des États-Unis. Jean-Claude Hénuy a poussé la porte de cette école un peu particulière. Ni programme, ni cours, ni classe d'âge, ni professeur, l'école Sudbury mise tout sur la curiosité, l'envie et la capacité de l'enfant à apprendre par lui-même, comme il veut et au rythme qui lui convient. Suzanne Kleins, cofondatrice de l'école. En lui donnant le temps, la liberté d'explorer là où il veut, il va vouloir et il va directement être en confrontation avec la vraie vie. Motivation, créativité, liberté, respect et responsabilité, les mots-clés de cette école de la vie qui ne prévoit pas non plus d'examen. Antoine Guenet, cofondateur. On compte sur les étudiants pour contrôler eux-mêmes leurs acquis. Tout doit partir d'une motivation intrinsèque. Seule règle à respecter, celle définie par le personnel et les élèves eux-mêmes. Bien que légale, l'école n'est pas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour répondre à l'obligation scolaire, il faut donc passer sur papier par l'instruction en famille. Roald Baudou, un Bruxellois, nous dit pourquoi il vient d'inscrire sa fille de 10 ans dans cette école. C'est basé sur les enfants eux-mêmes, que ce soit au niveau de la motivation à l'apprentissage, mais aussi dans le fait que les enfants sont partie prenante dans l'organisation des choses. Maintenant, il y a aussi une motivation en creux, disons. C'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé un peu dans une impasse au niveau de l'enseignement traditionnel, et donc ça devenait très difficile. Faute de subvention, cette école privée revient à 25 euros par jour par enfant, environ 4500 euros par an. Et pour pouvoir aller ensuite dans une haute école ou à l'université, eh bien, ces élèves doivent par exemple passer par le jury central. La rentrée aussi dans les académies de musique. Apprendre le solfège n'est pas toujours une partie de plaisir. Une blanche égale deux noires, une noire égale deux croches, les clés de sol, les clés de fa, les clés de ut, pas simple de s'y retrouver. C'est pour cela que certains profs de musique ont revu la manière d'enseigner le solfège. Jasna Pinterovic dirige l'académie d'Ixelles en région bruxelloise. Dans l'équipe de professeurs chez nous, on a essayé de modifier ce cours anciennement appelé solfège, qui s'appelle maintenant formation musicale. Donc, bon, il est évident que le solfège est toujours enseigné, mais on essaye que ce soit plus agréable et plus ludique, on va dire, et également plus créatif. Mais je pense que la question se pose aussi quand les enfants sont plus petits. Hein. Je pense ici aux enfants de 5-6 ans. Hein. C'est le moment où on peut les inscrire à l'académie. J'imagine que c'est là que les efforts doivent être faits. Bah, je pense que les petits, c'est évident qu'il faut tout faire passer par le jeu, par le mouvement et par le chant. Quand ils ont 5 ans, c'est à ce moment-là qu'on peut fixer un maximum de choses. Donc il faut énormément chanter à cet âge-là. Et pas seulement à l'académie, mais aussi à la maison, voire à l'école. Ce serait bien aussi que dans les écoles maternelles et primaires, on chante. Et alors, par après, on peut alors construire au cours de formation, parce que l'oreille aura été formée. La directrice de l'Académie d'Ixelles en région bruxelloise au micro de Miguel Allo. La rentrée, la vraie cette fois pour le gouvernement wallon. Après une première réunion il y a 2 semaines, les ministres se mettent au vert. Ils se retrouvent aujourd'hui au château de La Hulpe dans le Brabant wallon. Objectif de ce séminaire, fixer l'agenda des prochains mois, comme l'explique Paul Magnette, le ministre président wallon. Ben on sort un peu du cadre de travail habituel, on va se mettre un peu au vert et on passe une longue journée à passer en revue tous les dossiers de l'année. Ça permet que chacun des ministres sache ce que font les autres au sein du gouvernement. C'est un vrai travail collectif, donc on doit être bien au courant de tous les dossiers, de créer de la cohérence et aussi de planifier le travail. On a vraiment pris l'habitude d'indiquer à l'opinion publique, au Parlement, voilà les 5 ou 6 dossiers du prochain semestre, voilà sur quoi on va travailler. Ça permet d'avoir un débat public de qualité, donc c'est à ça que sert ce séminaire, définir quels dossiers sont prioritaires et créer de la cohérence entre eux. Le ministre président wallon avec Rudy Hermans. Si vous prenez le train, eh bien regardez bien les panneaux publicitaires dans les gares. Ils vont bientôt disparaître. La justice a cassé l'attribution du marché de la pub dans les gares. Elle le juge irrégulier. La SNCB va donc devoir démonter tous ces panneaux d'affichage. Et il y a du boulot, il y en a pas moins de 1700. 20 vols en moins par semaine entre les États-Unis et l'Europe cet hiver. Les 3 plus grosses compagnies aériennes réduisent leur voilure. Les vols passeront de 63 à 43 donc par semaine. La raison, eh bien, c'est que les Américains sont très frileux à l'idée de venir en Europe après tous les récents attentats. Et puis le sport, Sébastien, avec le dernier entraînement ce soir des Diables Rouges avant donc le match contre l'Espagne. Belgique-Espagne, match amical demain soir. Le résultat n'a aucune importance, a déjà prévenu le nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Cela dit, les supporters eux espèrent un nouveau départ après la grosse déception de l'Euro l'été dernier. Une attente légitime pour Kevin Miralas. Ouais, c'est normal qu'ils soient exigeants, surtout après la déception de l'Euro. Je pense qu'on a déçu beaucoup de monde, donc voilà, on s'est déçu nous-mêmes. Après, voilà, c'est face à une grande nation et il faudra donner le maximum, mais c'est toujours particulier pour moi, après pour Yannick aussi, pour le coach, je pense aussi. C'est des matchs particuliers, mais voilà, on va faire abstraction de tout ça. Vous parlez de la famille est un peu partagée? Ouais, elle est un peu partagée, mais bon, comme je porte les couleurs de la Belgique, c'est le camp est choisi. C'est une belle entrée en matière quand même, l'Espagne. Bah, c'est sûr qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Après, comme je dis, c'est une très bonne équipe qui a changé d'entraîneur aussi, où il y a beaucoup de changements dans la sélection. Donc pour eux aussi, ça va pas être évident. Et Kevin Miralas, dont les parents sont espagnols, au micro de Manuel Jous. En tennis, tous les espoirs reposent désormais sur Steve Darcy à l'US Open. Il joue son 2e tour aujourd'hui face à l'Américain John Isner. C'est le seul rescapé belge du tournoi, puisqu'hier, David Goffin a perdu dès le 1er tour contre un illustre inconnu. Élimination aussi de Kirsten Flipkens et Janina Wittmeyer. Un point RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, un accident sur la E411. Et il y en a même 2, Sébastien. Le premier s'est produit dans le sens Namur vers Arlon, à hauteur de Verlaine. Le passage s'effectue uniquement via la voie d'arrêt d'urgence. Il y a 2 km de fil et 20 minutes supplémentaires en direction d'Arlon. Du retard, il y en a aussi dans l'autre sens, en direction de Bruxelles, puisque à hauteur de Torrent-Baie-Saint-Tron, un deuxième accident a eu lieu. C'est la voie de gauche et la berme centrale qui sont neutralisées dans ce cas-là. On relève des fils depuis Aiguezé sur 6,5 km. Et là aussi, il faut ajouter 20 minutes supplémentaires. Toujours sur le 411, un véhicule est en panne dans le sens Namur vers Bruxelles, à l'entrée du tunnel Léonard. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des fils en direction de la capitale. Ce matin, c'est donc le point rouge, l'autoroute E411. Sinon, la circulation pour rejoindre Bruxelles est dense en venant de Liège sur le 40 entre Berthem et Woluwe-Saint-Étienne. Ça se passe pas mal sur le ring finalement. Les temps de parcours ne sont pas exceptionnels. On perd 15 minutes entre Ytre et le carrefour Léonard en circulation extérieure. Et pour ce qui est de la circulation intérieure. Seulement une dizaine de minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis un incident à Bruxelles dans le tunnel Tervuren. Le tunnel est fermé dans les deux sens. Une déviation a donc été mise en place en surface. On n'en sait pas plus sur les raisons de cette fermeture de tunnel. Par contre, ça ralentit dans la plupart des tunnels bruxellois comme d'habitude. Et si vous souhaitez quitter la Belgique pour rejoindre la France via le 17 Gand-Lille, il y a des files à partir d'Albeek sur 4 km. Ajoutez-la 25 minutes. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Ah, c'est pas encore la rentrée d'école aujourd'hui, donc vous êtes peut-être relax. Venez commenter l'actu de la Belgique. En direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. 070 233 466, pour lutter contre les logements sociaux vides, la Wallonie va interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser. Il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal? Au 1er janvier 2015, dernier chiffre disponible, plus de 5000 logements sociaux wallons étaient vides alors qu'il y a 40 000 demandes en suspens. Dans les logements vides, on trouve les logements en travaux, les déconstruits, ceux qui font l'objet d'un litige. Et puis il y a ce phénomène que Paul Furlan voudrait stopper, c'est le refus de logement par un locataire. Le taux de refus est aujourd'hui de 48%. Eh bien à l'avenir, le locataire ne pourra plus dire non. Ce n'est pas l'enjeu majeur du projet investissement que Paul Furlan est en train de préparer pour la rénovation des logements sociaux, mais c'est un point important, c'est même un point noir. La question pour vous ce matin, pour lutter contre les logements sociaux vides, la Wallonie va interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser, il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal ? Fatima demande de l'aide. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter sa deuxième session de justesse grâce aux caméras de la RTBF, mais dès demain, son école interdit le voile. Qui peut l'aider ? Vous avez peut-être vu l'histoire folle de Fatima hier dans le JT de 19h30. Depuis deux ans, cette étudiante de 34 ans suit un bachelier en informatique de gestion dans une école de promotion sociale à Uccle. Deux ans d'études avec le voile. Eh bien hier, elle se présente à l'école pour passer un examen de deuxième session et elle se fait refouler parce qu'elle porte le voile. Le règlement a changé pendant l'été. La situation est dingue. Les caméras de la RTBF poussent l'école à revoir sa position et au final, Fatima peut passer l'examen. L'école s'excuse en parlant d'une mauvaise interprétation car le règlement qui interdit le voile n'entre en vigueur que demain, 1er septembre. Fatima se demande donc quel sera son avenir. Franchement, je demande de l'aide. On a besoin d'aide pour pouvoir poursuivre nos études, pour pouvoir exister. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Je pouvais le porter, mais je peux plus. Alors c'est la question pour vous ce matin. Fatima demande de l'aide. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter sa deuxième session grâce aux caméras de la RTBF, mais dès demain, l'école interdit le voile. Qui peut l'aider ? Et puis au 070-233-466, qui perd son sang-froid dans les trains? Ma place, téléphone fort, valise dans le chemin. Près de 700 voyageurs ont été agressés par d'autres voyageurs. C'est vous l'agresseur ou l'agressé ou le témoin? On parle souvent, c'est vrai, des agressions d'accompagnateurs de train. Mais la violence dans les trains et sur les quais a un autre visage, c'est celui des voyageurs. Agression physique, agression verbale. La SNCB raconte les voyageurs qui ne trouvent pas de place parce que le train est suroccupé et qui donc s'énervent. La SNCB raconte la personne qui occupe un siège avec sa valise et qui ne veut pas bouger la valise. Ou encore ce passager qui téléphone fort, on en passe et des meilleurs. On notera au passage que les agressions physiques sont plus nombreuses que les agressions verbales. En Wallonie, c'est la ligne Bruxelles-Charleroi qui a la palme. Question pour vous. Qui perd son sang-froid dans les trains? Ma place, le téléphone fort, la valise dans le chemin. Près de 700 voyageurs agressés par d'autres voyageurs. Est-ce que c'est vous l'agresseur ou l'agressé? Zoé Boss, standard ouvert. Et à mes côtés, vous retrouverez Marion Jomat au 070-233-466 pour les SMS. Un numéro à 4 chiffres, le 3063-57 par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. Des logements sociaux obligatoires, une jeune fille privée d'examen à cause de son voile et des nafteurs agressifs. Le débat, c'est vous qui le faites. En pleine forme ce matin avec nous, Isabella Lénarduti, fondatrice de Jump, une organisation pour l'égalité hommes-femmes au travail, et Déborah Laurent, journaliste à 7 sur 7.be, sont avec nous dans le studio pour faire le débat. Déborah Isabella, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, donc pour lutter contre le phénomène des logements sociaux vides, eh bien la Wallonie agit et change la mesure. Désormais, le demandeur du logement social ne pourra plus dire non. Il devra dire oui, point final. D'abord sur le principe, est-ce que c'est grave, Déborah, qu'un demandeur de logement social dise « Non, celui-là ne me convient pas, je ne le prends pas ». Sur le principe, est-ce que c'est grave ? Mais là, il faut surtout se demander pourquoi est-ce qu'il refuse ? Est-ce qu'on lui propose, par exemple, un logement, une chambre, alors qu'il en a besoin de trois ? Ou est-ce que c'est vraiment pinaillé sur des détails de déco et de quartier, peut-être qu'on n'aime pas ou Donc voilà, moi, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on refuse ? Ah, le principe actuel, c'est qu'on peut refuser sur base, effectivement, d'une justification très précise. Sur le principe, Isabella, est-ce qu'on peut se dire, celui qui demande un logement social, il prend ce qu'on lui donne, point. C'est déjà un service qu'on lui fait. Tu prends ce qu'on te donne, mon ami. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, moi, je suis stupéfaite par les chiffres qui sont révélés ça, ce matin. Quand même, quasiment 50% de refus, c'était énorme. Et en plus, ce n'est pas la NVA qui en parle, hein, c'est Paul Fourlan. Donc, c'est que probablement, il y a quand même un problème là-dessous. Il est socialiste. Alors, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est important de savoir d'où ça vient. Donc, c'est, a priori, il y a quand même une attention à donner, à avoir de la justice, à donner quand même un certain confort aux personnes qui sont dans le besoin. Et c'est peut-être là que le bât blesse. Quand on reçoit un logement social, c'est une aide. On ne peut pas avoir la même quantité de choix que quand on va le payer au prix complet. Donc je pense qu'il faut peut-être changer aussi d'attitude par rapport à ces bénéficiaires et se dire ok, c'est peut-être pas exactement le logement dont j'avais rêvé, mais à moi en faire le meilleur parce que c'est vraiment une aide qu'on m'apporte et donc je dois la respecter, la valoriser. Le chiffre, Déborah, aujourd'hui le taux de refus est de 48%, ça vous paraît beaucoup, énorme 48%? Ah oui, mais c'est énorme, c'est une personne sur deux. Enfin, c'est complètement fou de se dire. Est-ce que ce sont des gens. En tout cas, si on se permet de refuser, c'est qu'on est dans le besoin, mais qu'on a un plan B. Donc, du coup, est-ce que c'est aussi pour ça qu'ils refusent ? Est-ce que finalement, ils ont trouvé d'autres possibilités de logement ailleurs ? Et qu'en fait, ils attendent tellement longtemps que l'administration se débloque, qu'on leur propose un logement, qu'ils sont obligés, en fait, d'avoir trouvé un plan B et que finalement, bah, du coup, ils peuvent se permettre de refuser. Peut-être qu'il faudrait accélérer les procédures administratives pour les logements sociaux et que, du coup, bah, y aurait moins de refus, que oui. Ça tournerait plus et il y en aurait plus sur le marché. Ou ce sont les familles qui changent, les enfants qui s'en vont et donc on doit avoir un logement plus petit, enfin, ou des familles qui s'agrandissent, il faut quelque chose de plus grand, mais on est déjà dans du logement social. C'est aussi ça. C'est, en fait, à un moment donné, il faut avoir quelque chose qui corresponde à nos besoins. On demande un avis à Jambes. Lola, bonjour. Oui, bonjour. Le logement social dans lequel vous vivez en ce moment est celui de votre grand-mère, c'est bien ça ? Exactement, oui, c'est ça. Alors, je vous demande un avis. La Wallonie va interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser. Il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal, Lola ? Ben, moi, je trouve ça déjà tout à fait normal. Dans le sens, à partir du moment où on est dans le besoin, on n'a pas à refuser, pour moi, j'estime. Mais c'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on doit prendre n'importe quoi, si j'estime que ça ne me convient pas. Ben, moi, j'estime qu'à partir du moment, normalement, qu'on demande un appartement social, on doit remplir un formulaire où on met nos besoins. Donc, à partir du moment où il y a deux enfants, je pense que c'est à partir de 12 ans qu'on peut avoir un appartement 3 chambres. Tant que l'enfant n'a pas 12 ans, on peut avoir un appartement 2 chambres. Pour voir si ça colle, Lola, votre mamie, quand on lui a attribué son logement, elle a un peu chipoté ou elle a pris ce qu'on lui a donné ? Elle a pris ce qu'on lui a donné. Elle avait un appartement 2 chambres. Et voilà, elle a toujours son appartement 2 chambres. J'ai habité avec elle jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et tout est parfait ? Mais c'était... Pour moi, ici, oui, ici, c'est bien. Dans son appartement, elle, c'est bien. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui me dérangeait un peu, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on n'ait plus à refuser. Dans son bloc, ici, il y a des appartements qui sont sous-loués. Je ne trouve pas ça correct, alors qu'il y a des gens qui sont en attente et qui ne peuvent pas avoir d'appartement. Et il y en a d'autres où il est censé être loué. Donc, il y a un locataire, il y a le nom sur la sonnette, mais il n'est jamais là. Ah, ça, c'est l'infraction et ça participe à ce phénomène des logements indisponibles. Lola, une dernière chose. Exactement. Pourquoi 48% des demandeurs de logements sociaux disent non ? Il y a un taux de refus de 48%. C'est énorme. Pourquoi ils disent non, les gens ? Ben oui, c'est quasi une personne sur deux. Je ne sais pas, peut-être parce que l'endroit ne leur convient pas, peut-être par souci de... Je ne sais pas du tout, peut-être... pas par souci de champ, parce que je sais bien qu'à partir d'un certain moment, on peut le demander pour avoir un transfert au bout de quelques années, d'être muté, pour avoir un appartement 3 chambres. Ah, et il y a déjà un droit aussi aujourd'hui de refuser. Hein. Pour des bonnes raisons, on peut justifier, il y a déjà un droit de refuser, mais la réforme, c'est demain, vous ne pourrez plus dire non, vous devrez dire oui, point final. Lola, merci d'avoir dit le logement que votre mamie a reçu, qui lui est en parfaite correspondance. Et donc, on termine rapidement autour de la table. Qu'est-ce que je fais, Isabella, si le logement qu'on me donne, il ne me convient vraiment pas? Et pour quelle raison il ne vous convient pas? Est-ce que c'est parce que... Je dois justifier? Moi, je pense qu'il faut justifier. Ah, il faut justifier. Oui, absolument. Je pense qu'il faut justifier et être responsable et gérer son bien comme si c'était le sien et pas celui de la communauté parce qu'il est payé par tout le monde. Pourquoi je devrais justifier, Déborah, quand je suis sur le marché privé? Je ne dois pas dire à un propriétaire que le logement ne me convient pas, je le prends pas. Parce que toute la différence est là, c'est privé et là, c'est une demande sociale. Donc, on doit quand même expliquer. Enfin, à un moment, on ne peut pas claquer des doigts et avoir ce qu'on veut. Et ça marche aussi dans le privé. Hein, ça. Quand on cherche un logement, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Donc, du coup, voilà, moi, je reste persuadée quand même que ces gens qui refusent, c'est parfois, ils ont fait une demande et il faut 3 ans pour qu'on leur propose quelque chose, mais entre-temps, ils ont dû trouver un plan B, quoi. Donc. À vous de vous prononcer pour lutter contre les logements sociaux vides. La Wallonie va donc interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser. Il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Fatima demande de l'aide. Cette jeune fille porte le voile pendant 2 ans et à partir de demain, l'école dit plus de voile. Elle vous demande de l'aide. Qui perd son sang-froid dans les trains ou qui a vu ces voyageurs qui s'agressaient entre eux? Et puis 10h45, la question qui dérange. Allez voir sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. La photo qui fait scandale, on voit 2 militaires aider une personne âgée à la gare du Midi à Bruxelles. Eh bien, les cheminots dénoncent les militaires. Vous prenez notre travail, c'est notre job ça. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour moins de 15 € par mois. 14,99 € pour être exact. C'est quasi rien. Nix. Nadal. Bref, se passer de vous, Sport World, ce serait être... Out. Alors, pour en profiter, pas de... Hazard. Allez vite vous renseigner dans une boutique vous, sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous, Sport World. Offre soumise à condition. Cette semaine avec Femme d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour cuisiner vite et bon. Des plats qui feront plaisir à tout le monde. Femme d'aujourd'hui, tellement nous. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les 2 premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous, avec Isabella Lenardo de Jump, avec Déborah Laurence, 7 sur 7.be. Avez-vous vu le journal de 19h30 hier soir? Cette jeune femme, Fatima, vous demande de l'aide. Le début de l'histoire donc, ça fait 2 ans qu'elle est à l'école avec son voile. Elle étudie l'informatique, étudiante bachelier en informatique. 2 ans avec le voile, elle va à l'examen et là on la refuse parce que le règlement a changé. Les caméras de la RTBF débloquent un peu le bazar, elle peut passer l'examen. Sauf qu'à partir du 1er septembre, eh bien, le voile dans cette école est interdite. Et là, elle dit à la télévision, je vous demande de l'aide, je vous demande de l'aide. Isabella, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme ? Alors c'est terrible parce que ça a été le débat de tout l'été et je pense qu'on n'en est pas sorti. C'est vraiment un acharnement sur le corps des femmes. C'est comme si la façon dont elles s'habillaient, elles sont grosses, elles sont minces, c'est le curseur de la liberté, de la modernité de la société. Elle peut changer son règlement. Donc, hein. C'est toujours sur le corps des femmes. Alors par rapport à l'école, ce que je ne trouve pas normal, c'est que pendant l'été, on change le règlement, on n'avertisse personne. Cette fille est devant le fait accompli. Je pense que s'il doit y avoir changement, il ne peut pas y avoir changement, en tout cas pour les jeunes femmes qui ont déjà commencé leur scolarité. Et puis, il faut les appeler et il faut avoir un débat. Il faut essayer de se comprendre parce qu'il y a plusieurs façons de porter le voile et peut-être qu'on peut trouver un espèce de terrain d'entente. Je trouve qu'on a là manqué véritablement de respect, d'humilité et oui, c'est ça, de respect et d'humilité par rapport à ces femmes. Est-ce qu'on peut faire, Déborah, du coup, un deux poids, deux mesures ? Celles qui ont déjà commencé avec le voile, terminent avec le voile, et celles qui arrivent maintenant, elles n'ont pas le voile. Ça, c'est l'idée d'Isabella. Oui, mais ça sera compliqué à mettre en place, on s'en rend tous compte. Moi, je pense que tout est affaire de compromis. Il ne faut pas oublier quand même que le voile, au-delà du corps de la femme, c'est quand même quelque chose de religieux, que ça soit un choix délibéré de sa part ou une obligation, ça c'est encore un débat autre. Je pense que c'est affaire de compromis. On lui demande d'enlever son voile à partir de demain, donc 1er septembre. Est-ce qu'elle pourrait peut-être l'enlever avant de rentrer en classe ? Par exemple, donc elle le garde dans l'enceinte de l'école, mais voilà. Donc il faut lui parler. C'est elle qui doit faire le compromis. Ça s'appelle un compromis. Elle pourrait le garder dans l'enceinte de l'école, mais au moment où elle rentre en classe, elle l'enlève comme on enlève une casquette. Puisque c'est une affaire de couvre-chef aussi, au-delà du religieux. Voilà, que chacun y mette un peu, que chacun mette de l'eau dans son vin. Quoi. Dans le fond, hier, il y a eu une logique ou pas, Isabella ? Donc cette jeune femme se présente pour passer l'examen, l'école dit stop, vous ne venez pas. Non, et non, on comprend bien que c'est la caméra de la RTBF qui fait changer les choses. Si c'est effectivement comme ça que ça s'est passé, si on ne l'a pas averti, si on ne lui a pas parlé et essayé de trouver un accord avant, ça ne se fait pas comme ça. Par contre, ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que les pouvoirs organisateurs devraient prendre ce type de décision et ne pas le laisser à chaque école. C'est quelque part de la lâcheté de laisser cette décision fondamentale pour notre société, en particulier dans ce qu'on vit aujourd'hui, à chaque école. Il faut absolument que les pouvoirs organisateurs, voire l'État, décident qu'est-ce qu'on fait avec les signes religieux portés par les femmes et par les hommes. Est-ce qu'on est dans ce débat-là, Déborah ? Est-ce que c'est comme ça qu'on le résume ? C'est un choix entre le voile ou mes études ? Est-ce qu'on est dans ce dilemme-là ? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est quoi ? On oblige cette jeune femme à enlever son voile. Peut-être qu'elle, du coup, elle ne viendra plus à l'école et qu'elle ne terminera pas ses études. Donc, qu'est-ce qui est mieux ? Qu'elle le garde et qu'elle finisse ses études ou qu'elle reste chez elle avec son voile et qu'elle fasse rien ? Ça sera aussi de la faute de la société si elle reste chez elle et qu'elle ne fait rien. Donc, du coup, voilà, moi, je pense que si le débat est toujours aussi enflammé, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vraie bonne idée, quoi. Peut-être qu'il y en a à XL. Gabrielle en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Fatima demande de l'aide. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter sa deuxième thèse de justesse, mais dès demain, son école interdit le voile. Est-ce que vous pouvez l'aider ? Oui. Alors, mon mari et moi-même, nous nous engageons à lui payer son billet d'avion pour direction Arabie Saoudite, Soudan, Yémen, où là, elle pourra découvrir un petit peu un monde pour les femmes qu'elle ne connaît sûrement pas, où des femmes se battent pour leur liberté. Et je trouve qu'ici, elle est en Belgique et elle doit respecter les lois belges et notre... Mais donc, si je comprends bien, vous organisez une expulsion sur base presque volontaire. Non, ce n'est pas une expulsion. Je voudrais que cette personne connaisse un petit peu le combat des femmes dans les pays musulmans. Mais elle fait un choix. Pourquoi vous ne respectez pas son choix ? Elle fait un choix en Belgique, à Uccle, et elle l'a fait depuis 2 ans. Et son choix n'a jamais été contesté dans les 2 dernières années. Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, monsieur Benjamin, à partir du moment où les événements actuellement sont un petit peu mouvementés, je trouve qu'on doit respecter les lois d'un pays. Nous avons vécu dans un pays musulman, on respectait les lois. Elle vit dans notre pays, elle respecte nos lois. Oh ben la loi lui permettait d'aller avec son voile. Cette jeune fille, elle n'a rien fait. Elle fait des études en informatique de gestion. À 32 ans, 36 ans, elle rame un petit peu quand même. Alors, c'est de la promotion sociale. D'accord. Eh bien, alors, promotion sociale, qu'elle essaye un petit peu de se promouvoir en s'engageant dans une liberté pour les femmes. Gabrielle, alors je teste cette solution et ce petit coup de pouce que vous donnez, je le teste directement autour de la table. Isabella, est-ce que c'est ça le bon coup de pouce à Fatima, lui payer un billet d'avion Arabie Saoudite. Je pense que madame a mis le doigt sur quelque chose qui doit faire débat. C'est pas le cas isolé, c'est pas une femme qui fait débat. C'est le fait que madame dit elle doit respecter les lois de ce pays. Mais dans ce pays, la constitution fait respecter toutes les religions. On est un pays multiconfessionnel et pas comme la France, laïque. Et peut-être que c'est ça le débat qu'on doit avoir. Est-ce que, étant donné la situation, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, promouvoir la laïcité et avoir des règles claires pour tout le monde, les hommes, les femmes et toutes les religions. C'est ça le débat qu'on doit avoir et pas sur une personne, en particulier une femme avec un voile. En attendant, on est dans une course contre la montre. Il reste 24 heures, Déborah, le 1er septembre c'est demain et le règlement est en application. La solution, Gabriel a raison, c'est le billet d'avion. Beuton, non, c'est... Ben non, parce qu'à un moment, l'immigration en Belgique, ça fait partie de notre pays aussi, et c'est une bonne chose. Après, oui, c'est vrai que la neutralité devrait être obligatoire pour tout le monde, pour toutes les religions, que personne n'affiche ses signes ostentatoires religieux. Ça n'empêche pas qu'on puisse l'être. La religion, c'est une affaire entre soi et la personne à qui on croit, quoi. Donc, ça, c'est la laïcité. Il reste 24 heures, à vous de vous prononcer. Fatima demande de l'aide. Qui peut l'aider? Dans un instant, troisième débat sur la table. Des agressions dans les trains, oui, mais entre voyageurs. Est-ce que c'est vous l'agresseur, l'agressé ou le témoin? Et puis 10h45, la question qui dérange. Allez voir cette photo sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, qui fait scandale. Deux militaires dans la gare du Midi à Bruxelles soutiennent une vieille dame par le bras. La CGSP cheminots monte au créneau. Ça, c'est le travail des cheminots, pas des militaires. Vous nous volez votre travail, c'est notre compétence que vous prenez. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Viva, vivacité. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un pot de jeu de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Vous ne rêvez pas. Vassieux Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieux Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. On commente avec Isabella, Jump, avec Déborah 7sur7.be, vous bien sûr. Troisième débat sur la table. Qui perd son sang-froid dans les trains? On s'est habitué dans les journaux à entendre parler d'agressions d'accompagnateurs de train. Eh bien, il y a un autre phénomène d'ampleur, et encore, on n'a que les statistiques officielles, il y a une vraie réalité de terrain, paraît-il. C'est la violence entre voyageurs. L'an dernier, officiellement, 700 voyageurs agressés par d'autres voyageurs, et ce sont des agressions qui sont souvent physiques. Quand un voyageur en castagne à un autre. Vous êtes déjà faite engueuler, Isabella, dans un train? Oui, Ça m'est déjà arrivé. Vous aviez fait quoi? Mais parce que en fait, je téléphonais, je pensais parler tout bas, mais j'avais mes oreillettes et donc manifestement, je ne parlais pas du tout tout bas. Je me suis fait vraiment agresser de façon pas du tout courtoise, mais j'ai reconnu ma faute. J'ai dit, je suis vraiment désolée, je me rendais pas compte. Je vais arrêter tout de suite la conversation. Vous avez été frappée ou pas? Non, c'était que verbal. Ce n'était que verbal, mais en même temps, c'est vrai qu'on sent. Il y a vraiment un manque de courtoisie. Je pense qu'il faut, j'ai fait une faute, il faut pouvoir s'excuser, reconnaître et arrêter, ne pas monter tout de suite dans les tours. Je pense qu'on sent vraiment une espèce de violence sourde, en particulier dans des endroits confinés comme les trains. Et donc, je comprends que les agressions sont de plus en plus nombreuses. Il faut arrêter ce « me, myself and I », cette espèce d'égocentrisme. Moi, je peux, et puis les autres, je n'en ai rien à faire. Ouais, c'est moi, moi-même et encore moi. Et encore moi. Vous avez déjà été agressée dans un train, Déborah ? On m'a déjà demandé, plus ou moins poliment, effectivement aussi, de raccrocher, mais le train n'avait pas encore démarré, du coup j'avais trouvé ça un peu ennuyant, mais pareil, j'ai accepté ma faute, j'ai clôturé la conversation, j'ai raccroché. C'est inquiétant ça, 700 voyageurs qui en agressent d'autres, et c'est que la statistique officielle. Il n'y a pas ce gentleman agreement entre voyageurs, je te préserve, tu me préserves, mais non, parce que l'espace est clos, il n'y a pas ça. Mais tellement pas, enfin, dans l'exemple qui était donné, c'est les gens qui mettent leurs valises à côté d'eux alors que les trains sont bondés, mais c'est normal, ça donne envie de sortir de ses gonds. Moi ça c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est donc la valise qui prend une place et les gens qui font comme si, comme au cinéma, le mec qui va déposer sa veste, le siège à côté alors que c'est rempli et qu'à un moment, pousse-toi, enlève ta veste, quoi. Mais les enfants aussi, les enfants dans les trains qui sont tout permis, qui embêtent les autres voyageurs et les parents qui les recadrent pas, moi, ça me rend dingue. Pourtant, j'en ai un, mais ça me rend dingue, quoi, vraiment. Comment ça se fait, quand on regarde les statistiques officielles, Isabella, que c'est souvent l'agression physique qui s'impose? Donc, vous avez vécu l'agression verbale, mais on voit que dans tous ces cas-là, quelqu'un qui prend une place, et j'estime que c'est ma place, agression physique. Quelqu'un qui parle fort, agression physique. C'est sur les quais, dans les trains. Pourquoi ça passe par la castagne? Ça passe par la castagne parce qu'on est dans une société où finalement on a de moins en moins de mots pour s'exprimer. Je pense que c'est vraiment c'est la conséquence d'un manque d'intelligence, d'un manque de capacité à trouver les bons mots pour avoir un débat avec l'autre. C'est quelque part un aveu extrême de faiblesse, d'ignorance et de violence, et c'est vraiment dramatique. Je trouve que c'est vraiment, vraiment en arriver à de la violence, c'est vraiment dramatique. On va se connecter au 070-233-466. Zoé, qui perd son sang froid dans les trains, ma place, téléphone, valise dans le chemin, près de 700 voyageurs agressés par d'autres voyageurs. Est-ce que c'est vous l'agresseur, l'agressé ou le témoin à ce propos? À ce propos, j'ai eu besoin de forcher la marche. Il est justement dans le train, c'est pour ça qu'il ne peut pas nous répondre. Il est l'agresseur et il l'admet, c'est bête, mais Baudouin prend tous les jours le train pour aller travailler le matin et le soir aussi. Tous les jours, il entend des gens crier dans le train, que ce soit les scouts ou les personnes âgées, tout le monde est irrespectueux, nous dit-il, et personne ne prend en compte la fatigue de l'autre, l'épuisement. C'est usant et un jour, Baudouin n'a pas pu se retenir. Il a tout simplement jeté le GSM d'un des passagers par terre parce qu'il lui avait demandé plusieurs fois d'arrêter sa conversation et qu'il n'a pas voulu le faire. Après avoir commis ce geste, il l'admet, il s'est sorti un peu stupide de s'être emporté. Mais il faut le vivre pour le comprendre, m'a-t-il dit. Les gens vous poussent à bout. Ah, d'expérience, on sait que les communications dans le train sont difficiles. Donc venez, si vous êtes dans un endroit avec une qualité sonore un peu meilleure, venez nous dire ce que vous avez vu. Je termine autour de la table. Est-ce qu'on pourra, Déborah, dire, mais en fait, cette violence physique entre voyageurs, c'est la faute de la SNCB à cause de ses retards, à cause de ces vieux wagons, à cause de ces trucs? Est-ce qu'on peut rejeter la faute sur la SNCB? Mais j'allais le dire, à mon avis, ça joue aussi. Quand on a attendu le train pendant longtemps sur le quai, qu'il n'arrive pas, qu'on l'annule, qu'on nous prévient pas ou n'importe comment, on est déjà un peu énervé. Après une journée de boulot, on a juste envie de rentrer chez soi. Après, effectivement, la violence physique, c'est vraiment très très bête, mais je pense que pour compléter ce que disait Isabella, parfois on y a recours aussi face à l'idiotie et la mauvaise foi de la personne qui nous fait face, quoi. Quand on ne sait plus argumenter avec quelqu'un, on peut sortir de ses gonds. C'est nul, ça ne résout rien, mais voilà, parfois il y a des gifles qui se perdent, je pense. Mais donc je pourrais dire, Isabella, je vous ai frappé parce que le train était en retard pour la énième fois cette semaine. Non, mais vous avez mis, je pense, l'accent sur quelque chose qui est vraiment très important. Dans les statistiques qu'on voit dans ce fameux article, on voit que c'est surtout autour de Bruxelles que ça se passe, et en particulier dans la partie francophone. La ligne Bruxelles-Charleroi est très fréquente. Alors, est-ce que ce sont vraiment que les francophones sont plus violents que les néerlandophones? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'effectivement, il y a des trains plus vétustes, il y a plus de retard, etc. Et donc, c'est vrai que c'est tout un environnement qui pourrait peut-être amener vers plus de violence, mais en attendant, c'est notre responsabilité à chaque individu d'éviter vraiment toute colère, de perdre son sang-froid, de perdre son contrôle. Alors, aux personnes qui s'intercalent, qui vraiment qui s'affrontent, hein, mais également à tous les autres. Je pense qu'on est tous responsables aussi de faire baisser la tension. On est tous responsables dans un endroit comme ça d'essayer que les choses puissent mieux se passer en intervenant si besoin est. Déborah, vous avez déjà engueulé un passager de train dans votre vie ou jamais ? J'engueule pas, mais je dis les choses assez fermement pour que la personne soit assez mal à l'aise pour soit de déplacer sa valise, soit de se déplacer tout court, soit de se taire, soit voilà, à un moment, moi je trouve que quand les gens manquent de respect, il faut juste parfois le dire. La personne ne s'attend pas à ce qu'on lui dise souvent, parce qu'on râle généralement dans notre coin et on pèse jusqu'au bout alors que personne n'intervient. Moi j'ai tendance à dire les choses, mais j'engueule pas. Chacun sera un avis sur la nuance. J'engueule pas, mais je dis. Déborah, Laurent, Isabella Lenarduzzi, bonne journée mesdames. Bonne journée. Au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Pour lutter contre les logements sociaux vides, la Wallonie va interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser. Il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal ? Fatima demande de l'aide. Ensuite, cette jeune étudiante en informatique, voilée, a pu présenter sa deuxième session de justesse grâce aux caméras de la RTBF. Mais dès demain, son école interdit le voile. Qui peut l'aider ? Et puis, qui perd son sang-froid dans les trains ? Ma place, téléphone fort, valise dans le chemin. Près de 700 voyageurs ont été agressés par d'autres voyageurs en 2015. Est-ce que c'est vous l'agresseur, l'agressé ou encore le témoin? 070-233-466 et par SMS au 3063. Serein est en ligne. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Jacques, pour lutter contre les logements sociaux vides, la Wallonie dit qu'on doit accepter le logement social. On ne pourra plus dire non. C'est normal? Non, ce n'est pas du tout normal. Pour trois facteurs différents. Le premier facteur qu'il y a, Benjamin, c'est que, un, on vous donne parfois des logements sociaux où les gens ont habité dedans, il faut voir ce que c'est. C'est honteux, c'est dégueulasse. Je vous prends un exemple, mon beau-frère a eu un logement social sur une commune, et alors, c'est un handicapé qui vivait dedans, il était dans un état pitoyable, il nous a fallu des milliers de francs pour le retaper, ils n'ont rien voulu faire dedans. Ou vous le prenez, c'était la deuxième fois qu'il disait non, ou on s'en allait, même le pot de jouer ici, on a dû le récurer. Oui, mais c'est très subjectif quand même, ce qui est sale pour vous n'est pas pour moi, ce qui est chic pour vous n'est pas pour moi. C'est très subjectif. Oui, oui, d'accord, attendez. Mais alors, le deuxième facteur aussi, c'est que les gens qui demandent un appartement social, il ne faut pas croire que ce soit des gens qui ont toujours de l'argent. Vous avez des gens qui demandent un appartement social parce qu'ils ont des gros problèmes financiers. Alors, vous avez, il faut retaper tout l'appartement du haut en bas. Ça, c'est une chose. Il faut tout faire. En plus de ça, on vous donne des logements au cinquième ou au sixième étage. Vous devez prendre un élévateur pour y aller. Un élévateur, c'est un coût de 150 euros, rien que pour l'élévateur. Plus le camion, c'est pas normal. Donc ça peut être un justificatif. Vous êtes en attente d'un logement social depuis combien de temps ? Non, moi je suis en demande actuellement, je viens de le faire actuellement. Et vous vous permettrez de dire non si ça ne vous convient pas ? Oui, oui, je permettrai de dire non parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de vous imposer un logement social. Déjà, il y a déjà deux choses, Benjamin, qui n'est pas normal. C'est que c'est la région Wallonne qui veut gérer ça et les autres. C'est la commune qui doit gérer ça, le CPF. Mais vous avez entendu Déborah tout à l'heure, on ne peut pas se comporter sur le marché social comme sur le marché privé. Dans le marché privé, ok, on peut dire non. Dans le social, c'est un service, vous devez dire oui, Jacques. Oui, ben, demande à Déborah si maintenant quelqu'un qui demande un logement social, lui, il a 700 ou 800 euros à les mettre chez un privé. Alors, on ne sait pas le faire. Et c'est parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un privé qu'on doit accepter n'importe quoi. Non, c'est pas juste ça. Jacques, on peut se permettre de dire non une fois. Est-ce qu'on peut se permettre de dire non deux fois ? Non, non, pas deux fois. Pas exagérer. Mais si le deuxième, il ne vous convient toujours pas, vous prendrez ce qu'on vous donne ? Ah oui, bien sûr, vous n'auriez pas un choix. Mais en fait, vous avez comme une chance sur deux à partir du moment où vous avez dit non la première fois. Ils comprendront que, bon, vous expliquez le pourquoi vous dites non. Alors, si ce sont des gens qui distribuent les logements sociaux, si ces gens-là sont un petit peu compétents, ils le sont d'ailleurs, je ne mettrai ça mais par leur travail en doute, ben, ils vous donneront quelque chose par rapport à ce que vous leur dites de mieux, d'un peu plus propre, parce qu'ils ont été visités par eux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous en sortir, mais il faut laisser au moins aux gens le choix de dire non une fois. Ah ben, c'est ça l'enjeu de la réforme. Le demande devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal ? Vous m'avez dit non. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane. Toujours cet accident sur le 411 Namur-Bruxelles, à hauteur de Torrebesse-Saint-Tron. La voie de gauche et la berme centrale sont toujours neutralisées. Il y a toujours des files depuis Aiguezé en direction de Bruxelles. Ceci dit, vous allez perdre une dizaine de minutes en direction de la capitale. Aux portes de la capitale, nous allons y venir dans un instant, mais tout d'abord, prenons la direction de la province de Liège et ce chantier de Cherate qui vous ralentit. Vous perdez une dizaine de minutes à l'approche du chantier en direction de l'échangeur de Loncin et aux portes de Bruxelles. Quelques ralentissements très légers sur le 411 qui vient de Namur entre Jésus-Zeik et Léonard. Sur le

vous êtes ici du côté du wagon fumeur, vous allez de l'autre côté de la plateforme, et là, c'est non-fumeur. Elle ne répond pas, et quelques minutes après, elle recommence. Monsieur, vous voulez bien arrêter de fumer, ça m'indispose, et ça indispose mon petit chien. Alors là, elle lui répond, mais madame, je ne peux vous répondre que ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Vous allez de l'autre côté de la plateforme, wagon non-fumeur. Yolande, je reviens à la chute. Quand est-ce que ça dégénère? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Attendez, j'y arrive. Alors, il dit, regardez, les jeunes à côté fument aussi, vous ne leur dites rien. Elle, sans répondre, elle se lève, elle prend la boîte de cigarillos du monsieur qui était sur la tablette, elle la lance par la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre du train. Et tout aussi vite, parce que c'était des vieux trains où on descend la fenêtre tout d'un coup. Elle a bien fait dans le contexte? On peut dire que c'est l'énervement qui est monté? C'est ça. Et alors le monsieur, lui, sans dire un mot, il se lève, il prend le petit chien et il le lance aussi par la fenêtre. Il l'a lancé par la fenêtre? Oui. Donc les jeunes sont restés complètement interloqués d'abord, et puis ils ont éclaté de rire. La dame s'est rhabillée, elle est descendue à la gare suivante, qui était la gare de Ronet. Ah ben l'histoire est tout sauf drôle, vous en conviendrez. Ce chien jeté par la fenêtre, c'est l'apogée de cette situation que dénonce la SNCB en ce moment. Hein. Les agressions entre voyageurs, et ça peut aller jusque-là, Yolande. Chacun se fera un avis, et sera peut-être une des conversations de la deuxième partie. Est-ce qu'on peut aller jusque-là à l'occasion d'un échange ou à l'occasion du confort dans les trains? Merci d'avoir raconté la cigarette et le chien par la fenêtre. Nous sommes à Jean Blou maintenant. Christiane, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maréchal. Pouvez-vous aider Fatima, qui hier dans le JT a demandé de l'aide? Ça fait 2 ans qu'elle va au cours d'informatique avec son voile. Au moment de l'examen, on lui dit de la deuxième cesse, on lui dit non, pouvait pas. Caméra de la RTBF, les médias, bref, demain le règlement change et elle ne pourra plus porter le voile. Est-ce que vous pouvez l'aider? Mais c'est pas moi qui peux l'aider, c'est une de mes anciennes étudiantes il y a 15 ans qui avait trouvé une solution. À l'époque, dans un climat de conciliation, maintenant, je crois qu'on n'est plus trop dans ce climat-là, mais voilà, cette étudiante, pour aller en stage dans les écoles, avait mis une perruque. Pour avoir la tête couverte, c'est ça l'astuce? Exact. C'est elle qui l'a trouvée, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Christiane, sauf qu'ici, ça fait 2 ans que cette jeune femme y va avec le voile. 2 ans d'études. Et là, on lui dit, si tu veux continuer ton parcours scolaire, tu dois arrêter le voile. Quel est le sens de ce règlement? Écoutez, moi j'ai été enseignante pendant 38 ans dans les écoles, et quand on va dans une école, on signe un règlement et on l'applique. Ce règlement évolue, donc moi je pense que cette étudiante doit se soumettre au nouveau règlement. Mais alors expliquez-lui avec pédagogie pourquoi pendant 2 ans elle peut, ok le règlement évolue, mais pendant 2 ans tu peux, et puis tu peux plus. On a dit que cette jeune fille était face à un choix qui était le voile ou ses études. Je lui dis, écoute, tu mets une perruque, comme ça tu vas concilier les deux, tu respecteras le règlement de l'école et tu respecteras ta religion. Je mets des si, parce que vous savez que ce débat est complexe. Si le voile était motivé par un quelconque comportement religieux, vous êtes sûr que voile et perruque, c'est de même nature? Je pense que la personne qui va... Enfin, je pense que si elle est dans une classe ou quoi, ben, le professeur, il verra qu'une étudiante avec des cheveux. Je sais pas, il y a plein de gens qui portent des perruques. Hein. Ah ben, je demande alors aux femmes musulmanes qui ont sans doute l'expertise de venir répondre à votre suggestion. Fatima demande de l'aide et vous lui répondez, mettez une perruque, mademoiselle. Elle a 34 ans, elle est en bachelier, ingénieur informatique. En bachelier, pour être très précis, informatique de gestion. Les mots ont leur importance. Dans un instant, à Chimay, Karine viendra nous dire si c'est normal que désormais en Wallonie, un demandeur de logement social ne puisse plus dire non, ça me convient pas. L'auto présente le mois de Wout, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Et si les décisions en matière de crédit se prenait en tenant compte des spécificités locales. C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ce jeudi 1er septembre, le journal Le Soir vous invite à croquer la rentrée scolaire à pleines dents. À cette occasion, nous vous offrons une savoureuse pomme Belgica fraîchement cueillie. Envie d'une pomme gratuite? Recevez-la ce jeudi en librairie avec votre journal Le Soir. Parce que consommer local, c'est aider nos agriculteurs. Le Soir, je lis, donc j'agis. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Je suis Léa Vandenbiguelaar, enseignante en chimie à l'IPET Nivelles et l'IPES au Havre. Savez-vous que la chimie peut être une option à part entière en secondaire? Elle ouvre les portes de l'enseignement supérieur et des entreprises à orientation scientifique et pharmaceutique. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, sur la table. Qui perd son sang-froid dans les trains? Près de 700 voyageurs ont été agressés par d'autres voyageurs en 2015. C'est vous l'agresseur, l'agressé, le témoin, Zoé, à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Anne de Namur. Dans le train, c'est l'enfer, me dit-elle. Elle n'est ni l'agresseur ni l'agressée, mais elle assistait à des scènes très cocasses. Elle ne prend pas souvent le train, mais parfois pour aller visiter sa famille à Charleroi. Et le pire qu'elle ait pu voir, qu'elle ait pu entendre, c'est une bande de scouts qui était dans le train, qui n'arrêtait pas de faire la zizanie, de crier, de chanter, que les monos n'encadraient pas du tout. Et quand une vieille dame a demandé à cette bande de scouts de tout simplement s'arrêter, de se calmer un petit peu parce qu'elle souhaitait se reposer, eh bien, ils lui ont dit qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, parce que le train n'était pas qu'à elle. Voilà, pour elle, c'était tout simplement. Pour Anne, c'est vraiment la preuve de l'irrespect le plus basique. Chimay est en ligne. Karine, bonjour. Oui, bonjour à vous. Ça change en Wallonie. La Wallonie va interdire au demandeur d'un logement social de le refuser. En gros, il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal? Non. Non? Non, du tout. Non, non, non, non. Parce qu'il faut dire, bon, ma fille a eu le cas, elle avait sa fille, une petite fille d'un mois, s'inscrit pour les logements sociaux. Proposition, je vais dire, entre l'offre et la demande, ça a été très très rapide, même pas 2 mois. Mais punaise, la maison, l'appartement, punaise. Qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'est-ce qui ne va pas? Une poubelle. Mais c'est quoi une poubelle? Parce que votre poubelle, ce n'est pas ma poubelle. C'est quoi une poubelle? Ah, une poubelle, c'est tout dégueulasse, les murs crayonnés, une aubernoisie abonde, et d'après l'ouvrier, parce que c'est un ouvrier communal qui vient vous faire visiter le logement, ça fait 15 jours que les fenêtres sont ouvertes et ça sent toujours aussi mauvais. Hein. Oui, mais elle a besoin d'un logement ou elle n'a pas besoin d'un logement? Elle a besoin. Et elle dit non? Et elle dit non, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand elle dit non? Ah ben, vous attendrez un an pour refaire une demande. Ben oui, on attendra un an. Hein. Donc elle a eu tort de dire non ou elle a bien fait de dire non? Ah non, non, elle a bien fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant un an? Ben, elle a été louée ailleurs, elle a été louée dans un privé. Et, oui, dans un privé, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais vous avez quand même le choix. Il fait déjà propre, c'est déjà pour commencer, parce qu'un propriétaire ne va pas louer une maison dégueulasse, les logements sociaux. Oui, parce que il mettrait bien, c'est la région wallonne, je suis tout à fait d'accord, il mettrait bien deux bonnes femmes là-dedans, nettoyées, pour au moins rendre les logements sociaux attrayants. Karine, quand on propose un logement, est-ce que le demandeur peut dire non une fois? Oui. Est-ce que le demandeur peut dire non deux fois? Si on vous propose la même chose, oui. Est-ce que le demandeur peut dire non trois fois? Tout à fait, oui. Deux. Dans les mêmes conditions que la première fois? Oui, tout à fait. Ah, parce qu'ici, dans l'évolution de loi... C'est pas parce que vous êtes demandeur d'emploi qu'il vous faut prendre tout et n'importe quoi. Hein. Ah bah ici, au deuxième refus, vous serez radié de la liste d'attente. Voilà la mesure et l'évolution. Oui, mais ça, c'est un moyen de pression qui est carrément hitlérien, je vais le dire comme ça. Ah ben, je vous laisse la responsabilité des mots, mais un demandeur peut dire non une fois, deux fois, trois fois, m'avez-vous dit. C'est pas l'esprit de l'évolution de la loi en Wallonie. Nous sommes maintenant au Grand-Duché de Luxembourg. Leïla, bonjour. Bonjour. Dans une école d'Uccle, l'histoire de Fatima, elle fait 2 ans avec le voile, puis on change le règlement. De justesse, alors qu'on lui interdisait, elle passe l'examen de deuxième CES. Et au final, à partir de demain, le voile est interdit. Elle vous demande de l'aide, Leïla. Vous pouvez aider Fatima? Oui, moi je pense que je peux l'aider. Dans le sens que, je m'explique, nous sommes ici en Europe et je comprends toujours pas pourquoi on prend des décisions à la limite dictateurs. Pourquoi est-ce qu'on peut pas s'habiller comme on veut ? Alors, tout le monde est dans son droit. Les écoles peuvent prendre des règlements. Elle prend un règlement et il interdit tout signe religieux extérieur, tout couvre-chef. Je trouve que ce règlement n'est pas juste et il n'est pas justifié. Sauf que Leïla, je ne vous demande pas de commenter la justesse du règlement. Je vous demande comment aider Fatima. Parce qu'hier, elle a dit à la télévision, je demande de l'aide. Je demande de l'aide, elle l'a dit. Donc comment on peut aider cette fille ? Oui, mais vous ne connaissez pas son vécu. Vous ne savez pas comment chez elle, elle est commandée. Peut-être qu'elle ne porte pas le voile. C'est peut-être pas sa décision. C'est peut-être un règlement de ses parents et peut-être qu'elle n'a pas le choix. Et là, qu'est-ce qu'on l'oblige à vivre un enfer ? Non, mais ça, c'est les explications du pourquoi. Le voile, moi je vous demande ce que demain, 1er septembre, elle doit faire. Elle abandonne ses études ou pas ? Non, parce que je trouve que le droit aux études, c'est un droit pour tous. Mais c'est ça qui est dingue dans le dossier, c'est qu'elle peut plus y aller, puisque le règlement dit voile interdit et qu'elle veut pas enlever son voile. Le voile ou les études ? Non, me dites-vous, les études sont un droit pour tous. Oui, mais demain, elle peut plus aller dans cette école de promotion sociale. Qu'est-ce qu'on fait ? Si la conversation s'impose, on ira plus loin dans la deuxième partie. Viva Bruxelles présente. Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Péroué comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vous êtes sur Viva et il est 10h. Le Flash, bonjour Catherine Tonnero. Bonjour à tous, la SNCB va devoir démonter tous les panneaux publicitaires de ses gares. C'est une décision de justice. L'attribution du marché de la pub dans les gares a été jugée irrégulière. La cour d'appel de Bruxelles avait été saisie par la société JC Deco qui a donc obtenu gain de cause. 1700 panneaux à démonter, cela représente 10 000 mètres carrés de publicité. La SNCB, de son côté, n'exclut pas la possibilité d'interjeter un pourvoi en cassation. 1er septembre, J-1, la rentrée c'est pour demain et pour le gouvernement wallon c'est aujourd'hui. Les ministres se retrouvent au château de la Hulpe pour une mise au vert. Un séminaire qui va fixer l'agenda des prochains mois avec deux gros chantiers à venir, la confection du budget et la réforme des allocations familiales. Le groupe terroriste État islamique amputé de l'un de ses plus hauts dirigeants. Son porte-parole, Abu Mohamed al-Adnani, a été tué à Alep par une frappe de la coalition internationale. Il avait notamment appelé à tuer des ressortissants de pays alliés par tous les moyens. Cette mort porte un nouveau coup dur au groupe terroriste en perte de vitesse dans la région d'Alep au nord de la Syrie. Le Japon frappé par un nouveau typhon, Lion Rock, son nom est accompagné de vents puissants et de pluies diluviennes. 9 personnes ont été retrouvées mortes dans une maison de retraite qui a été inondée dans le nord du pays. 2 autres personnes au moins ont aussi perdu la vie. C'est le 10e typhon de la saison en Asie. À l'US Open de tennis, Steve Darcy rencontrera l'américain John Isner au deuxième tour ce soir. C'est le seul rescapé belge. Hier, 3 Belges ont été éliminés au premier tour. David Goffin, Kirsten Flipkens et Janina Wickmeyer. La météo pour terminer avec une nouvelle journée remplie de soleil. Ce mercredi, maxima compris entre 22 et 26 degrés. Il fera un peu plus nuageux demain, mais les températures se maintiendront jusqu'en fin de semaine. On part sur les routes faire le point RTBF Mobile Info avec Stéphane Piebeuf et c'est plutôt calme sur les routes ce matin Stéphane. Effectivement, sur le 429, il y a toutefois des ralentissements entre Halle et Tournai vers la France. C'est le chantier entre Quin et La Main, dans les deux sens de circulation généralement. Mais c'est surtout à partir de Rumilly vers Lille que vous allez ajouter 10 minutes à votre temps de parcours. Et puis prudence, il y a du mazout sur la chaussée dans l'échangeur de Strombeek. La chaussée glissante, il y a des fils dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles qui vient de Grand-Bigard à l'A12 en direction d'Anvers. Et puis un objet encombrant sur le ring de cette capitale. Circulation extérieure, un petit peu avant Waterloo, au milieu des deux bandes de circulation en direction de Zaventem. Soyez vigilants si vous êtes dans le secteur. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h03 sur Viva, c'est vous qui le dites, vous retrouvez Benjamin Maréchal. Merci Catherine, tout le monde se réinstalle, c'est la deuxième partie, nous sommes en direct. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange, la photo qui fait scandale et qui est en train de faire un tollé sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Allez voir cette photo si vous ne l'avez pas encore vue. On y voit deux militaires en train d'aider une personne âgée à la gare du Midi à Bruxelles. Les deux militaires soutiennent la dame par le bras. Eh bien, le scandale vient de la CGSP cheminots qui dénonce. Ça, c'est le travail des cheminots, pas des militaires. D'où la question qui dérange. Est-ce que la CGSP cheminots a raison de crier au vol de compétences ce matin? Cette photo, visible notamment dans Sud Presse, a été postée sur la page Facebook Parole de cheminots et elle constitue, d'après la CGSP cheminots, une insulte à notre corporation. Commentaire, aimez, partagez cette photo si vous aussi vous pensez que le personnel cheminot a encore son rôle à jouer. Et dans le texte, il est clairement stipulé que des militaires aident des personnes à mobilité réduite en lieu et place des cheminots qui, eux, sont remplacés par des automates. Cette photo est en train de faire scandale. Des militaires qui aident, ça ne plaît pas aux cheminots. Vous cherchez Mélanie Joris dans ce dossier, le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. On tentera d'aller voir du côté des syndicats de la défense qui représentent les militaires, mais également du côté de la CGSP cheminots qui a posté cette photo. Des militaires qui aident une vieille dame à tort en volant le travail des autres, vous pouvez nous amener un éclairage là-dessus. C'est via Zoé au standard. Oui, le problème pour Simone de Héron, c'est que les cheminots font tout et n'importe quoi pour se faire remarquer. Ici, de jeunes militaires apportent leur aide à une vieille dame et ça ne va encore pas. Tout acte de solidarité devrait être applaudi plutôt que d'être blâmé par une bande d'envieux, nous dit Simone. C'est donc la photo qui fait scandale. On voit deux militaires aider une personne âgée à la gare du Midi à Bruxelles. Les deux militaires soutiennent la dame par le bras. Est-ce que la CGSP cheminot a raison de crier au vol de compétences? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Pour lutter contre les logements sociaux vides, la Wallonie va interdire aux demandeurs d'un logement social de le refuser. Il devra dire oui, point final. Est-ce que c'est normal? Ensuite, Fatima qui demande de l'aide. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter son examen de deuxième session de justesse, mais dès demain, son école interdit le voile. Qui peut l'aider? Et puis, qui perd son sang-froid dans les trains? C'est ma place, téléphone fort, valise dans le chemin. Près de 700 voyageurs ont été agressés par d'autres voyageurs en 2015. Est-ce que c'est vous l'agresseur ou l'agressé? Trois débats, Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur le voile. Fatima demande de l'aide. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter sa deuxième session de justesse grâce aux caméras de la RTBF, mais dès demain, son école interdit le voile. Qui peut l'aider? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Vous avez peut-être vu l'histoire de Fatima hier dans le JT de 19h30. Depuis deux ans, cette étudiante de 34 ans suit un bachelier en informatique de gestion dans une école de promotion sociale à Uccle. Ça fait deux ans qu'elle suit donc les cours, mais qu'elle suit le cours voilé. Hier, elle se présente à l'école pour passer un examen de deuxième session et elle se fait refouler. Pourquoi? Pour le port du voile. La prof voulait quand même qu'on passe l'examen, mais la direction et les responsables étaient contre. Après 2h30 d'attente et notre présence devant les grilles de l'école, Fatima et son amie sont finalement autorisés à présenter leur examen. Il semble qu'il y ait eu une mauvaise interprétation du nouveau règlement, nous dit-on, car il n'est d'application que dans deux jours, le 1er septembre. Pour Fatima, ça change tout. Si elle a pu passer son examen aujourd'hui, elle a surtout des doutes pour la suite de ses études. On se dit que la présence d'une caméra RTBF a peut-être servi à débloquer la situation sur l'examen de deuxième session, mais, il y a ce moment de l'appel à l'aide, puisque hier soir, Fatima se demandait quel était son avenir. Franchement, je demande de l'aide. On a besoin d'aide pour pouvoir poursuivre nos études, pour pouvoir exister. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Fatima demande de l'aide. Qui peut l'aider? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure.

Et même dans ses stages, dans différentes écoles et tout, elle a toujours enlevé son voile et pour travailler avec les enfants. Mais vous connaissez la particularité de ce dossier. Fatima, elle a été pendant 2 ans au cours avec le voile, sans l'enlever. Et tout d'un coup, il faut l'enlever. C'est dur à comprendre. Ben, pourquoi ? Ben non. C'est un règlement de l'école et tout. Ou bien, elle choisit ses études, et ou bien, elle continue au chômage, je ne sais pas moi. Ah, donc c'est ça, en fait, le choix. C'est les études ou le chômage ? Ah, ben, voilà. Ou bien, elle a déjà 34 ans, elle peut quand même un peu s'assouplir, et si elle veut vraiment étudier et avoir une place dans la vie, ou même, elle pourrait même travailler, même avec son voile, en attendant, quand on étudie... Marie-Claire, deux éléments. D'abord, quand vous me dites, en fait, le choix, c'est les études ou le chômage. C'est pas une forme de chantage, ça ? Ben, je ne crois pas, parce qu'il faut choisir dans la vie. Hein. Et puis... comme c'est un règlement de l'école et tout... Mais on pourrait le dire autrement. Vous m'avez dit, à 34 ans, elle peut un peu s'assouplir. On pourrait vous le dire autrement. Dites donc, à 34 ans, alors qu'elle a 34 ans de voile, pourquoi est-ce qu'elle devrait changer ? Mais c'est pas une question de changer, c'est une question de s'assouplir un peu pour étudier, c'est tout. Elle ne change pas ses convictions pour ça, elle ne change rien pour ça, ni rien. Mais s'assouplir un peu... Mais ça, vous pouvez nous le jurer. S'assouplir, c'est pas changer ses convictions. Ah, pas du tout. Oh, pas du tout, hein. C'est pas parce que je m'assouplis un peu de caractère que mon caractère fondamental sera changé. Non. Donc, je me résume. À la question de Fatima ou à l'appel de Fatima, je demande de l'aide, vous répondez, t'as qu'à t'assouplir, mademoiselle. L'aide doit venir d'elle, hein. Qui voulez-vous qu'il aide ? Ah ben c'est elle qui pose la question, donc c'est facile, mais elle la pose, je vous la pose. Marie-Claire, elle n'a qu'à s'assouplir à 34 ans, ce qui n'affaiblira pas ses convictions. 070-233-466 par SMS au 3063. Si vous nous regardez sur la Une Télé, vous savez que Mélanie vient de m'apporter un document. C'est donc le règlement de cette école de promotion sociale à Uccle, où Fatima est en cours, et donc le point de règlement. Il est désormais interdit d'arborer tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse, philosophique ou politique. Interdit également de porter tout couvre-chef. Sauf qu'elle allait depuis 2 ans au cours avec le voile et qu'on a failli lui refuser l'accès à l'examen de deuxième session. Benezet, Roger, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, cher monsieur ? Même question, avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est voilé ou pas du tout ? Non. Pas personne voilé dans mon entourage. Aidez Fatima. Alors, aidez Fatima avec un regard extérieur. Aidez-la, elle a besoin d'aide. Aide-toi, elle aussi, elle t'aidera. Je crois que si elle s'assied dans une école a un règlement d'ordre intérieur, elle doit le respecter. Mon fils, aux humanités, était dans une école, les garçons ne pouvaient pas porter de shorts ni de bermudas, les filles non plus. Les filles ne pouvaient pas porter de top. Eh bien, les gens se soumettaient. Bon, on n'est pas ici pour avoir chaque personne qui va poser sa loi. Si moi, finalement, je m'inscris à une école en disant que mes convictions religieuses m'obligent à venir torse nu et en maillot de bain, j'irai à l'école en torse nu et en maillot de bain. Il y a quand même des limites. Oui, mais Roger, à un moment, je m'inscris dans une école, en l'occurrence, il y a 2 ans, je m'inscris dans une école où je peux porter le voile. Et peut-être même que ça fait partie de mon choix de choisir cette école où on peut porter le voile. Je l'ai choisi, cette école-là, pour ça. Et maintenant, caramba, on change tout. C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit, que vous pouvez porter le voile et que c'est inscrit il y a 2 ans. Elle l'a porté pendant 2 ans. C'est elle qui le dit. Ah bah attendez, si on remet tout en cause, il n'y a jamais de conversation. Hier, elle était là pour un examen de deuxième session. Et voilà qu'on la refoule, alors que le règlement était censé entrer en application le 1er septembre. Au mois d'août, on la refoule. C'est pas correct. Elle a pu le passer. C'est une erreur de chez eux, d'accord. Là, il faut reconnaître. Mais elle a pu le passer maintenant, puisque le règlement précise... ça. Bon, vous savez, si demain on dit de votre rue, le règlement de la route dit vous ne pouvez pas vous garer dans la rue de ce côté-là, ben vous vous appliquerez. Le règlement est fait pour être respecté et peut changer d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre. Roger, alors on le fait puisque cette jeune femme est sans doute à l'écoute ce matin, on tente de l'appeler et de l'avoir en ligne tout à l'heure. Elle dit « Je demande de l'aide, on a besoin d'aide pour pouvoir poursuivre nos études, pour pouvoir exister. » Et vous lui répondez que... Elle n'a qu'à aller dans une autre école. Elle n'a qu'à aller dans une autre école. Elle est là en bachelier informatique. Je note donc, vous n'avez qu'à aller dans une autre école. Mais la rentrée est demain. C'est demain que le règlement change et entre en application. Merci à Benezet. XL maintenant est en ligne. Rachid, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et je sais qu'au standard, vous avez parlé de votre femme. Est-ce qu'elle est voilée? Non. Conseiller Fatima, il reste 24 heures, c'est 24 heures chrono. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais s'il vous plaît, c'est un appel que j'ai dit aux hommes politiques créateurs de lois. Créateur de loi. C'est une loi qui a fait faillite. Chaque fois qu'on parle de voile, ça y est, la polémique, ça y est, on demande ça et ça. La pauvre ici, depuis 2 ans, s'il vous plaît, depuis 2 ans. Et au jour le lendemain, on dit enlève. Mais c'est incroyable, ça. C'est comme le burkini en France. C'est des hommes politiques qui veulent marquer le terrain. C'est comme un animal. Oui, mais Isabella a dit tout à l'heure, dans la première partie, attendez quand même, Rachid, le monde a changé, le contexte a changé, là, hein. Mais il n'a pas changé, il y a 2 ans, il est là. Ah ben moi, elle est là depuis 2 ans, la pauvre. Moi, on me dit, je lis par SMS au 3063, depuis un an, ça a changé. Je défends ce pays que je suis depuis 41 ans, et elle commence à déconner ces dernières années. Dès qu'on parle religion, ça y est, on parle pour parler, c'est tout. Et on ne met aucune loi en pratique, aucune loi. Elle ne peut pas s'assouplir? J'ai entendu ça, c'est la demande de Marie-Claire. Mademoiselle, vous n'avez qu'à vous assouplir un peu. Mais c'est ce pays, elle peut, la pauvre, pour son avenir, elle peut. Elle peut l'enlever pour passer son examen. Mais moi, j'accuse le gouvernement belge. Elle s'adopte à des lois qui n'ont pas de résultat. Ah, mais là, c'est pas une loi fédérale. C'est le règlement de l'école. Chaque école est libre de le faire. Ça, c'est pas une loi, c'est le règlement de l'école. D'accord, mais pourquoi cette école, elle n'a pas dit depuis 2 ans, s'il vous plaît? Parce que le contexte a changé. Parce que le contexte a changé. Mais qu'elle laisse passer l'examen, pourquoi elle parle maintenant? Ah ben elle l'a passé l'examen, ils se sont trompés. Donc le règlement devait démarrer le 1er septembre. Ils ont dit, oups, on a été trop vite. D'accord, mais on a parlé, on a allumé le feu, et tout à coup, on voit le fumée, qui a allumé le feu? Mais c'est ça qui m'énerve, monsieur Benjamin. On est dans un état de droit, en état. Mais j'ai l'impression, chaque fois, c'est les citoyens qui souffrent maintenant, et nos maîtres, ils sont occupés à déclarer une guerre entre citoyens. Et si elle mettait une perruque? J'ai entendu ça dans la première heure. Rachid, ouais. Est-ce qu'elle peut mettre une perruque à la place du voile? J'ai entendu ça dans la première heure. Pourquoi ces conneries, mettre une voile ou une perruque, s'il vous plaît, monsieur Benjamin? On n'est pas dans un pays arriéré. Pourquoi le perruque? La pauvre, elle peut l'enlever pour passer son examen. Je suis d'accord pour son avenir. Et après, elle peut le remettre et elle peut déposer une plainte contre cette école. La perruque, ça, c'est l'idée de Christiane Agent-Bloux. La perruque, c'est l'idée de Christiane Agent-Bloux, tout à l'heure. Elle peut déposer une plainte contre cette loi, cette école. Je suis désolé. Bon, alors Rachid, j'ai noté, le conseil, elle peut l'enlever pour son avenir, mais je crois penser que ça vous énerve un tantinet. Merci de nous avoir rejoints ce matin. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, c'est Nadia qui viendra nous dire si elle a une solution pour Fatima, qui a donc dit hier, pratiquement en regardant la caméra, même si les images témoignaient de sa demande de discrétion, « Je demande de l'aide. J'ai besoin d'aide pour pouvoir poursuivre mes études, pour pouvoir exister. Est-ce que Nadia peut aider Fatima ?» Du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Take off your clothes, blow out the fire. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h sur Vivacité. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoedescount.be. Shoe Discount. Et au 070 233 466, même si le dilemme d'après Marie-Claire est études ou chômage. Pour beaucoup, et notamment par SMS au 3063, Zoé, le choix c'est voile ou études. Et il y a pas mal d'appels qui donnent des conseils à Fatima pour qu'elle puisse justement continuer ses études. Oui, on nous donne des petites astuces pour que Fatima puisse continuer ses études. Il y a notamment Louise Dehatte qui lui conseille de porter un bonnet ample pour pouvoir passer tous ses cheveux dans son couvre-chef. Une technique qui lui permet de ne pas se dévoiler, de ne pas laisser ses cheveux à l'air libre, mais aussi de continuer ses études. Il y a Pierre de la Calamine, il lui propose de faire des concessions pour préserver son avenir, pourquoi pas enlever son voile une fois dans le bâtiment et le remettre avant de sortir. Elle n'aurait le voile dans le bâtiment que 2 secondes, peut-être que le gardien serait tolérant. Il y a Joëlle de Quemier, elle propose à Fatima de poursuivre ses études à domicile. Il y a de très bons cours en ligne et des formations que l'on peut faire depuis chez soi. Comme ça, Fatima pourra tout simplement préserver son avenir. C'est vous qui le dites à Scarbeck. Nadia, bonjour. Bonjour Benjamin. Et puisque vous nous avez signalé au standard être musulmane, est-ce que vous portez le voile ? Je ne porte pas le voile. Parenthèse avant de parler de Fatima, est-ce que ce voile a une justification religieuse ? Non, la religion est dans le cœur. Mais le voile que cette jeune Fatima porte, il peut être lié à la religion, c'est ça ? Non, pas du tout. Ah, il est lié à quoi le voile qu'elle porte alors ? Il est lié à rien du tout, moi je trouve. C'est le ridicule. Bon, bah alors toujours est-il qu'elle en a un, et qu'elle veut le garder, ouais. Et qu'elle l'a depuis le début, et que l'école dit « je change mon règlement, à partir de demain, tu viens plus ». C'est quoi le choix ? C'est études ou voile ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, mais attendez, avant de répondre à cette question, est-ce qu'elle va dire la même chose ou elle va passer à la télévision pour son futur patron ? Mais là, on n'est pas dans le monde de l'emploi. Là, on est dans un parcours scolaire qu'elle suit depuis 2 ans. Donc il y a déjà une certaine pratique. Excusez-moi, Benjamin, il y a un règlement d'ordre intérieur qu'on signe tous les ans. Moi, j'ai 3 gosses qui vont à l'école. J'en ai un qui est à l'université cette année, enfin dans une autre école. Mais on a dû signer un ordre d'intérieur. Donc, cela veut dire que mon fils doit respecter. Ça aurait été une fille, eh bien, ça aurait été la même chose. Elle devrait respecter. Non, mais j'entends bien, Nadia. Mais sauf qu'ici, la jeune Fatima, elle ne s'inscrit pas en première année. Elle sera, simplifiant, en 3e. Et tout d'un coup, le règlement change. Le règlement qui démarre demain n'est plus le même que celui de l'an dernier. On change en cours de route. Elle doit respecter le règlement d'ordre intérieur, le règlement de l'école où elle est. Mais donc vous lui dites tais-toi. Mais je lui dis tais-toi, oui. Elle vous demande de l'aide. Il y a quelqu'un qui demande de l'aide, vous répondez tais-toi. Mais elle doit regarder un peu plus les infos. Au Maroc, par exemple, les femmes se sont battues pour avoir leur liberté, justement, pour ne pas porter le voile. Vous savez que dans le temps au Maroc, on portait le niqab, hein, sur le nez, on voyait que les yeux. Les femmes se sont battues pour l'enlever. Hein. Je fais une petite marche arrière. Donc, au moment où, hier, elle se présente pour l'examen de 2e session et qu'on lui dit tout d'un coup, madame, vous n'entrez pas dans l'école. S'il n'y avait pas eu les caméras de la RTBF, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, Fatima ? Dire « Ah bon, ok, s'en aller et ne pas passer l'examen de 2e session ?» Non, enlever son voile. Mais elle veut le garder. C'est un droit aussi de la femme de dire « je veux garder quelque chose ». Mais oui, mais c'est aussi un droit de la Belgique. On est en Belgique, mais on doit respecter les lois de la Belgique. Parce que le monsieur qui est passé juste avant, l'auditeur qui est passé juste avant, qui dit « je condamne les politiques, le monde politique, les faiseurs de lois, dit Rachid. Mais il a dit avant que sa femme n'était pas voilée. Donc il n'a pas à condamner les gens pour quelque chose que sa femme ne pratique pas non plus. Hein. Nadia, est-ce qu'à 34 ans, on peut faire ce choix de vie, le choix du voile, ou on ne peut pas le faire ? On ne peut pas le faire. On est dans un pays où on doit respecter la Belgique. On est venu ici pour gagner notre tartine. Respectons les Belges qui sont autour de nous quand même. Ah, il y a ceux qui sont venus et puis il y a ceux qui sont nés ici et qui sont Belges. Hein. Il faut bien faire la distinction entre les deux, ceux qui sont venus et ceux qui sont là. Nadia, à l'appel de Fatima qui demande de l'aide, vous avez répondu « tais-toi ». Nous sommes maintenant à Spa. François, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez dans votre entourage des femmes voilées ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons des amis qui sont musulmans. Et en l'occurrence, au niveau universitaire également, nous avons été amenés à fréquenter et à rencontrer ce problème de voile. Mais deux choses, comme disait votre précédente auditrice, le Coran ne commande absolument pas d'être voilé. Ça, c'est une première chose. Donc l'argument religieux est quelque peu fallacieux. Deuxième élément, comme disait également votre auditrice, nous sommes dans un pays qui a des lois. Il y a des règlements. À l'université, c'était la même problématique. Des jeunes filles se présentaient avec des voiles. et a fortiori au cours. Celle-ci est exclue. François, permettez-moi de radoter deux secondes, mais ici, dans quel scénario nous sommes ? Une jeune femme fait 2 ans d'études avec les voiles. On ne lui demande aucun compte. Elle va de cours en cours voilée. Elle va de travail en travail voilée. Elle va d'exercice pratique en exercice pratique voilée. Et tout d'un coup, elle se présente un jour d'été pour un examen de deuxième cesse. Et on lui dit stop. Et là, elle découvre, alors qu'on ne lui a jamais rien dit, que demain, 1er septembre, tout change. Ah mais, monsieur Benjamin, la loi évolue. Et ce n'est pas parce que vous la découvrez que vous ne pouvez pas vous y conformer. La loi est la même pour tous. Donc cette loi, peut-être que ses condisciples venaient avec des casquettes à l'époque. Oh, mais cette jeune femme, Fatima, n'a pas dit, elle n'a pas dit à la télé, je vous demande de me plaindre, je vous demande de jeter un regard ému sur moi. Elle a dit, je vous demande de l'aide, elle a besoin d'aide. De l'aide, tout simplement, qu'elle se conforme, comme les autres étudiants, comme les autres personnes qui habitent en Belgique, et comme disait votre précédente auditrice, à la loi belge, et à l'occurrence, a fortiori, à nos us et coutumes. Et ici, nous sommes bien sur des règlements qui sont tout à fait légaux, parce que bon, un de vos auditeurs parlait du burkini, etc. N'oublions pas que ces éléments sont de plus en plus récents, mais de plus en plus prégnants, alors que nous sommes dans un climat relativement délicat. Est-ce que vous pouvez au moins laisser à Fatima qu'il y ait quelques flous ? Parce que d'une école à l'autre, ce n'est pas le même règlement, il n'y a pas une loi fédérale, il n'y a pas une loi régionale. Effectivement, il n'y a pas de loi fédérale, c'est laissé au pouvoir organisateur, selon les différents éléments. Mais a fortiori, le problème, c'est que nous devrions, comme disait une de vos intervenantes, y avoir une législation à l'instar de la France qui établit la laïcité de l'enseignement et qui interdit tout signe religieux distinctif. Quel est le bon choix à faire, puisque c'est ça qui se pose à Fatima, même si vous n'êtes pas d'accord avec sa lecture des événements, mais quel est le bon choix entre le voile et mes études ? Qu'est-ce que je choisis ? C'est très simple, qu'elle lise le Coran, qu'elle applique le Coran. Et en l'occurrence, le Coran ne commande nullement d'être voilé. Alors c'est ça la réponse. Je vous appelle à l'aide et vous le répondez, allez lire le Coran, mademoiselle. Elle n'a qu'à se conformer. Je le souligne sur mon document. Très bien. Tournez maintenant. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Anne-Marie, quel est le bon choix entre je veux mon voile et je dois faire des études ? Si je dois en choisir un des deux, qu'est-ce que je fais ? Elle garde son voile. Mais donc elle ne va plus à l'école ? Non, moi je trouve que dans un pays libre comme la Belgique, on doit avoir la possibilité de faire ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut. Ok, mais donc elle vous demande de l'aide et vous dites, ok, arrête cette école. Mais cette jeune fille, elle est dans un cursus, elle a déjà fait 2 ans en informatique de gestion. Donc vous lui dites quoi, d'arrêter ses études ? Non, je crois que les écoles doivent se plier... Elle a le droit de s'habiller comme elle veut, c'est quand même incroyable. On va partir du principe qu'à ce stade, 10h30 un mercredi matin, l'école n'a pas adapté son règlement. Donc l'école, demain, elle dit voile interdit. Donc qu'est-ce qu'elle fait demain, cette jeune Fatima ? Qu'est-ce qu'elle fait demain ? Ah oui, ça c'est... Ah ben je vous pose la question parce qu'on est totalement dans le cas du en suspens alors. Je vous dispense de la réponse Anne-Marie, le temps de vous laisser la réflexion et peut-être le temps d'une réponse qui émergera, on peut se rappeler si vous le souhaitez. À 10h30 donc, c'est l'heure de la proportion. Zoé dans les appelants de ce matin. Combien estime que le voile est devenu un sujet à la mode mais que personne n'en parlait de ce sujet-là avant ? Ouais, 35% pensent que tout le monde s'insurge du voile à cause des récents attentats, mais qu'il y a 3 ans, 4 ans, personne n'en faisait vraiment un cas. Oriane de Gilly se souvient très bien qu'à l'époque, quand elle allait à l'école, il y avait des jeunes filles voilées qu'on ne leur disait rien, qu'elles enlevaient leur voile pour aller à l'école et qu'elles en sortaient. Alors c'est des deux côtés, m'a-t-elle dit. Ici, on s'insurge que les jeunes filles qui portent le voile insistent pour l'avoir. Les autres s'énervent quand ils voient un voile. RTBF Mobile Info, Stéphane. Des travaux vous ralentissent sur le 429 halte tournée vers Lille. C'est le chantier entre Quin et Lamain dans les deux sens de circulation, mais c'est vers Lille que vous ralentissez. Ajoutez 20 minutes supplémentaires à partir de Rumilly. Et puis du mazout est toujours sur la chaussée dans l'échangeur de Strombeek, la chaussée glissante donc dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles qui vient de Grand-Bigard à l'A12 en partance pour Anvers. Et puis un objet encombrant est toujours sur le ring en circulation extérieure, un peu avant Waterloo, au milieu des deux bandes de circulation. Il s'agit de deux cuvelles de maçon en direction de Zaventem. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom. Allez voir sur la page Facebook de C'est vous qui le dites cette photo qui fait scandale. On y voit à la gare du Midi de Bruxelles, deux militaires en train d'aider une dame âgée. Les deux militaires tiennent la dame par le bras. Et bien, cette photo fait scandale auprès de la CGSP cheminots. Les cheminots disent en substance, militaires, vous volez notre travail. J'attends un nom après la pause. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC. Décidez d'avancer. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer! Jeanine! Ouais? C'est toi qui as débranché la prise du manège! Bah oui, pour recharger mon GSM! La batterie se décharge tout le temps! Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. C'est la photo qui fait scandale. On voit donc à la une de Sud Presse ce matin une photo qui est extraite de la page Facebook Parole de cheminots. Que voit-on sur cette photo? Deux militaires aider une personne âgée dans la gare du Midi. Les deux militaires soutiennent la personne âgée par le bras. Eh bien la CGSP cheminots monte au créneau et dénonce. C'est le travail des cheminots ça, pas des militaires. Est-ce que la CGSP cheminots a raison de crier au vol de compétences? Quelques éléments de leur discours. Il est clairement stipulé, disent-ils sur Facebook, que des militaires aident des personnes à mobilité réduite en lieu et place des cheminots. Ou encore, aimez et partagez cette photo si vous aussi vous pensez que le personnel cheminot a encore son rôle à jouer. Bref, vous nous volez notre travail. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Dans ce dossier, avez-vous un nom à nous proposer? Oui, vous parlerez avec Philippe Dubois, secrétaire permanent CGSP cheminot pour la région de Bruxelles. Alors pour la CGSP cheminot, eh bien, ce n'est pas normal que les militaires doivent effectuer des missions qui incombent normalement au personnel de gare. Le syndicat veut par ici dénoncer le manque d'effectifs au sein de ses équipes qui lui empêche de mener à bien ses missions de base comme celle-ci. La CGSP cheminot veut également rappeler les missions des militaires, observation et dissuasion. Du côté des syndicats de la défense, on trouve que la formulation et la publication de cette photo sont plutôt maladroites. Avait aidé quelqu'un, que cette aide vienne de la part d'un militaire, d'un agent SNCB ou encore de la part d'un navetteur, eh bien cela fait partie tout simplement du civisme. Pour le SLFP défense, les missions des militaires sont bel et bien l'observation et la dissuasion, comme le rappelle la CGSP cheminot, mais aussi l'assistance aux personnes. Vous connaissez bien les militaires, vous connaissez bien les cheminots. Vous êtes déjà passé dans une gare et vous avez déjà vu une personne âgée dans votre vie. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Le problème pour Alain de Gouvy, c'est qu'en Belgique, on ennuie de plus en plus les gens qui font leur travail. Qu'on laisse ces soldats tranquilles, m'a-t-il dit, ils n'ont rien fait si ce n'est leur devoir. À vous de vous prononcer donc, si vous voulez nous aider à construire l'interview de tout à l'heure. La photo qui fait scandale, est-ce que la CGSP cheminot a raison de crier au vol de compétences? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur l'appel à l'aide de Fatima. C'était hier soir dans le JT de 19h30. Cette jeune étudiante en informatique voilée a pu présenter son examen de deuxième session de justesse grâce à l'intervention des caméras de la RTBF parce que dès demain, l'école interdit le voile et elle a eu tendance à l'interdire un peu vite lors de l'examen de deuxième session. Mais non, l'entrée en application du nouveau règlement qui interdit le voile, c'est bien demain, 1er septembre. Qui peut aider Fatima ? 070-233-466, SMS 3063. Etterbeek est en ligne. Safia, bonjour. Bonjour Benjamin. À la question « Qui peut aider Fatima ?», j'ai entendu « Elle n'a qu'à changer de conviction, elle n'a qu'à mettre une perruque » ou j'ai entendu « Tais-toi ». C'est ça l'aide que vous apportez aussi ? Non, pas du tout. Moi, je lui dis de résister, de continuer à essayer de continuer ses études avec son voile. Et si on veut absolument le lui interdire, qu'elle arrête ses études parce que si on cède maintenant... Si on cède pour porter son voile dans une école, il faudra céder pour le porter dans un supermarché, dans un train, dans une administration communale. Il ne faut pas céder, c'est un combat, il faut continuer. Vous savez, il nous arrive ce qui est arrivé aux Juifs dans les années 30. Qui êtes-vous, Safia ? Vous êtes voilée ? Pour exister. Vous êtes voilée ? Comment vous dites ? Vous êtes voilée ? Je suis voilée et je ne travaille pas pour ces raisons-là, pour la même raison, parce qu'on m'interdit de travailler avec mon voile. C'est dommage, j'ai fait des études universitaires, je peux apporter énormément à la société, mais on me l'interdit pour des raisons totalement idiotes. Mais ce voile, c'est quoi ? C'est un grand tant pis. C'est pour des raisons religieuses ? Oui, tout à fait, c'est pour des raisons religieuses. Ma religion existe depuis 14 siècles, je ne vais pas moi balayer 14 siècles pour une loi qui va exister jusqu'à la prochaine législature. Ah ben François vous a dit, allez lire le Coran, madame. Le Coran ne vous demande monsieur, pas de porter un voile. Lu, je l'ai lu, je le lis chaque fois, tous les jours, quotidiennement, et je sais, je connais mes droits en matière de Coran, je les connais. Et je dois porter mon voile, c'est un respect pour ma religion. Le porter mon voile, c'est respecter ma religion. Safia, dans le cas de Fatima, vous avez conscience du conseil que vous lui donnez. Vous lui avez dit à Fatima, oui. Et au pire... Tu arrêtes tes études. Oui, tout à fait, parce qu'on va nous l'interdire partout. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais les études, c'est l'émancipation, c'est l'emploi, c'est le travail, oui. C'est l'avenir. Mais à qui le dites-vous ? Mais à qui le dites-vous ? Je vous renvoie la question, Benjamin. Voilà, permettez à cette fille de poursuivre ses études avec son voile, parce que c'est son avenir. Vous lui cassez son avenir pour une question, pour un bout de tissu. Il reste 24 heures, même pas. Le règlement est en application à minuit une tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je lui dis de persister et de ne pas continuer si on veut absolument lui retirer son voile. Il y avait une dame tout à l'heure qui parlait d'Arabie Saoudite. Fatima n'est pas originaire d'Arabie Saoudite, elle est originaire du Maroc. Et au Maroc, on respecte les libertés de chacun. Il y a des bikinis sur les plages, il y a des Pères Noël en hiver. On respecte les libertés de chacun. C'est Gabrielle qui a dit, je me cotise, je paye un avion, elle n'a qu'à aller en Arabie Saoudite. C'est Gabrielle qui a dit ça. Nous ne sommes pas originaires d'Arabie Saoudite, Benjamin. Nous sommes originaires du Maroc. Et même si l'article 1er de la Constitution marocaine est le Maroc est un pays musulman, on respecte les libertés des autres. Safia, votre appel à la résistance. On ne va jamais obliger quelqu'un à prier. Safia, votre appel à la résistance. Vous pensez qu'elle a une chance de gagner, la jeune Fatima ? Parce qu'hier, quand elle dit « j'ai besoin d'aide », ça veut dire « je me sens démunie et pas sur le point de gagner la bataille hein ». Elle ne gagnera pas à court terme, mais elle gagnera certainement à long terme, c'est certain. À long terme, et vous appelez à la résistance, quitte à stopper les études et stopper le travail. Vous êtes à Etterbeek ce matin. Allons à Enghien maintenant. Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Fatima a demandé de l'aide. Est-ce que vous lui dites, sur les barricades, stoppe tes études au pire ? Enlève le voile. Ah, c'est pas la même chose que Safia. Safia dit, garde le voile. Ben oui. Ben non, enlève le voile. Dans les règlements, il est marqué... d'enlever tous les couvre-chefs, casquettes, chapeaux, enfin tout ce que vous avez comme couvre-chef, tout signe politique ou religieux, et c'est bien marqué dans le règlement, et tous les règlements doivent être respectés. Ça fait 2 ans qu'elle peut y aller avec un voile, qu'est-ce qui a changé ben en oui. 2 mois d'été ? Ça fait 4 ans que mon fils porte une chaîne avec une croix autour du cou, et demain il doit enlever la croix. Il a reçu cette croix de ma maman à sa première communion, ça va lui faire très mal. Mais j'ai dû lui expliquer. Et il a très bien compris. Quel âge a votre fils ? Il rentre en 6e primaire, il a 11 ans. Eh ben ici, Fatima, c'est plus une enfant, je dis jeune fille. Mais c'est une dame, eh ben une adulte de 34 qu'elle réagisse, ans. Qu'elle réagisse et qu'elle enlève son voile. Il faut arrêter de les mettre sur un piédestal. C'est les voiles, il faut arrêter, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de trac malvenu ? Cette jeune fille vient pour un examen de deuxième session et on lui dit « Ah non, l'examen de deuxième session, vous venez pas, vous êtes voilée. » Est-ce qu'on ne traque pas un peu cette jeune femme ? Mais non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Si moi, demain, mon fils, on voit la croix autour de son cou et qu'on lui dit « Tu ne rentres pas à l'école, je fais quoi ?» C'est quoi l'appel? Parce que Fatima, elle n'a pas dit « Conseillez-moi, Madame Corinne ». C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a pas dit « Dites-moi si je regardais ». Elle a dit « Je demande de l'aide ». Je demande de l'aide pour pouvoir poursuivre mes études, pour exister. Non, elle enlève le voile. Benjamin, moi, j'ai eu par expérience, je suis une dame forte. J'ai eu par expérience que quand j'ai été me présenter un rouleau, on m'a dit « Vous êtes trop grosse ». Oh mais l'obésité, c'est pas religieux. Ici, c'est un signe religieux. Justement. Et là, moi, je dois perdre 40 kilos pour savoir aller travailler. Mais qu'elle enlève le voile pour faire ses études. Le voile et l'obésité, c'est la même conversation, le voile et l'obésité. Mais c'est un problème aussi. Je le note, Corinne, vous êtes à Enghien et cet appel à Fatima, enlevez votre voile. On va au 070-233-466. Il y a une vraie incompréhension, Zoé, de ces jeunes filles qui portent le voile, alors que d'autres femmes se battent pour qu'on n'ait plus le voile. Oui, et cette incompréhension, c'est Sarita de Bassange qui l'a eue. Elle est musulmane, elle ne porte pas le voile et elle ne comprend pas pourquoi des femmes luttent aujourd'hui pour le porter. Elle se rappelle de sa grand-mère marocaine qui a lutté pour le droit des femmes. Elle rappelle que si des femmes peuvent se mettre en bikini aujourd'hui sur les plages au Maroc, c'est parce que des centaines avant ont été privées de leurs droits et parfois tuées, mutilées, parce qu'elles ont osé prendre des libertés. Sarita est choquée parce qu'elle appelle une régression, le voile, la burqa, pour elle, sont les ennemis de la femme. C'est du lavage de cerveau. Le pire pour elle, c'est que ces femmes clament lutter pour le féminisme, pour une indépendance, en se cachant derrière un bout de tissu. Arlon en ligne. Mourad, bonjour. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de conseils à cette jeune Fatima. Je voudrais votre avis sur celui de Safia, qui a dit « Résiste et au pire, arrête tes études. Arrête tes études. » Mourad, est-ce que c'est ça le bon choix? Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est une grosse, une énormité, c'est une grosse connerie. Voilà, je peux le dire. Ah ben, Safia était convaincue, et Safia, elle portait le voile, donc elle a peut-être même plus d'expertise que vous. Elle était voilée, Safia. On ne peut pas avoir l'expertise si on porte le voile et on demande à quelqu'un de résister. L'enseignement est beaucoup plus important. Je dis à Fatima, même au niveau de la religion, le meilleur conseil que je peux donner à Fatima, même au niveau de la religion, l'enseignement, la culture, l'éducation est beaucoup plus important que le voile. Puisqu'elle est musulmane, je suis d'origine musulmane. Est-ce qu'elle ne risque pas de le vivre comme une humiliation? Parce que là, vous êtes en train de me dire que Fatima doit l'enlever. Pleure ou ne pleure pas, ça m'est égal, mais enlève-le. Est-ce qu'elle ne va pas être humiliée? Non. On peut trouver un équilibre entre les deux. En arrivant à l'école, pour elle, en arrivant à l'école, elle retire son voile, elle fait ses études. En sortant de l'école, elle remet son voile et vit l'équilibre entre les deux. C'est pas un peu hypocrite, ça? Je monte les marches de l'école et juste avant que la porte ne s'ouvre, je l'enlève. C'est pas un peu hypocrite, ça? C'est pas d'hypocrisie, c'est le respect des règlements de l'école. C'est le respect de la liberté. C'est pas des lois. C'est interdit de brûler un feu rouge. Mais pourquoi vous dites pas? Vous pourriez dire à l'envers, Mourad. Vous pourriez dire, je demande à l'école d'être un peu cohérente. Si Fatima a fait 2 ans comme ça, elle fait sa 3e année comme ça, elle termine et puis ok, on change. D'accord, on demande à l'école, c'est l'école, elle a exigé un règlement pareil. Il faut le respecter. Il faut respecter le règlement. On peut pas dépasser le règlement. Qu'est-ce qui a changé? Ça fait 2 ans qu'elle vient voiler. Ça fait 2 ans qu'elle enlève pas ce voile à la porte. Mais le règlement, il change. À un certain moment, l'école, elle a décidé le règlement. Donc, il faut le respecter. Avant le feu rouge, il n'y avait pas de règlement. Lorsqu'on a mis le feu rouge... Et si elle arrêtait quand même ses études? Et si elle arrêtait quand même ses études? Pardon? Et si elle arrêtait quand même ses études? Ah, mais c'est une grosse connerie. Les études, c'est beaucoup plus important pour elle. Pour ses proches, au contraire, arrêter mes études, c'est pas humiliation. Ah ben je vous repose la question, parce que certains ont l'air de dire, y compris par SMS au 3063, que la conviction doit toujours primer sur le reste. Mourad, vous avez été clair. On marque une pause et puis question qui dérange. Ce scandale, 2 militaires qui aident une vieille femme et les cheminots pas contents. Sur la une. Les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la une, vivacité et rtbf.be/ovio. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Et tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. On en pleure de rire. Un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Et si vous preniez la vie du bon côté? Une rentrée de classe réussie grâce à l'habitat-thérapie. Voilà notre sujet de ce mercredi. Venez nous raconter les rentrées de classe précédentes. Qu'avez-vous mis en place comme astuces et petits trucs pour aider vos enfants à passer ce cap de manière paisible et sereine à la maison? Rappelez-vous peut-être aussi vos rentrées à vous. Témoignez ce mercredi. Dès 13h, prenez la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. L'auto présente le mois de Wout, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. La photo qui fait scandale, gare du Midi à Bruxelles, deux militaires et d'une vieille dame, et la CGSP cheminot est très fâchée. Les militaires prennent notre travail. Eh bien, avant d'interpeller la CGSP cheminot, dernier éclairage au standard, Zoé. Et le problème pour Monique Delincent, c'est que les cheminots se trompent de combat. Ils luttent contre la disparition de leur emploi en s'opposant à la sensibilité des soldats. C'est stupide. Ils n'ont qu'à faire de bonnes actions et tenir le bras des vieilles dames au lieu de prétendre de le faire. La CGSP cheminot section bruxelloise a parlé d'insultes à la corporation des cheminots. Eh bien, le secrétaire permanent de la CGSP cheminot est en ligne. Philippe Dubois, bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. Mais de quoi parle-t-on? De deux militaires qui aident une femme à marcher. Ils n'ont pas vendu de tickets de train. Non, mais le problème n'est pas là. On n'a pas voulu stigmatiser les militaires qui font un travail formidable, qui assurent la sécurité au quotidien après les tristes événements qu'on a connus. On a simplement voulu dire que c'était pas le job des militaires d'aider les personnes à mobilité réduite. Il y avait du personnel formé pour ça à la SNCB, mais malheureusement... Mais ça fait partie des prérogatives d'assistance, quelqu'un en difficulté et un petit trajet court dans la gare. Non, il ne s'agit pas d'un trajet court. La personne qui a pris la photo a suivi les deux militaires tout un temps. Et donc, c'est une assistance d'une personne à mobilité réduite. Et donc, s'il y avait eu suffisamment de personnel dans la gare, les militaires auraient pu faire leur travail normal, qui est celui d'assurer la sécurité. Vous avez vu ce qu'ils vous répondent dans Sud Presse ce matin à la Défense, hein, enfin, dans les syndicats Défense. Ils vous disent, et qu'est-ce qui nous prouve que ces deux militaires n'ont pas aidé la dame pour l'escorter jusqu'à un cheminot? Ah. Bon, écoutez, c'est possible, hein, on va pas... C'est ce qu'ils vous disent dans Sud Presse ce matin. Hein. Oui, bon, c'est la position du syndicat SLFP. Je vois que mon collègue de la CGSP, Patrick Dessy, a également dénoncé le fait qu'on pouvait très bien, dans le futur, utiliser des militaires pour n'importe quoi. Il prend l'exemple de gardiennage dans une école. On est dans un contexte sécuritaire, il faut assurer la sécurité, mais les militaires ne sont pas là pour faire le travail des cheminots. Mais sur le fond, Philippe Dubois, vous savez quand même bien qu'à terme, et vu les problèmes d'effectifs et d'organisation à l'armée, vous savez très bien qu'on ne donnera jamais cette mission aux militaires. Les militaires, demain, ne prendront jamais votre place en matière d'assistance aux passagers. Sur le fond, vous le savez. Non, on n'a pas peur de ça. On dénonce simplement le fait qu'il y a un manque de personnel et que s'il y avait eu du personnel en suffisance dans la guerre du Midi, les deux militaires n'auraient pas dû aider cette brave dame à se déplacer. C'est ça qu'on dénonce. Est-ce qu'au final, sur la stratégie, parce que vous voyez le tollé général que ça provoque, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que la stratégie n'a pas été mauvaise? Disons-le, on a là deux symboles forts, des militaires qui nous aident, nos militaires, et qui aident une de nos seniors, une femme âgée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu planté là dans la publication de la photo? Bon, planté, je ne pense pas. C'est la vérité. Ça s'est passé comme ça. On n'a rien inventé. Maintenant que ça provoque des réactions, c'est très bien. C'est une façon de dénoncer le sous-financement des services publics. Permettez-moi de me réjouir de pouvoir m'exprimer, en dehors des périodes de grève et de dénoncer ce sous-financement. C'est dans l'intérêt général de l'État qu'on soit en mesure d'assurer un fonctionnement normal des infrastructures et notamment des gares. Donc ça nécessite des moyens financiers suffisants et récurrents et surtout un personnel suffisant pour une bonne fin des missions qui sont confiées à la SNCB. M'en voulez pas de souligner le mélange, hein, la question du financement des infrastructures et du personnel, c'est pas encore la question de l'assistance à PMR, personne à mobilité réduite. Mais donc, demain, ça veut dire que si je suis PMR dans une gare, je peux aller trouver le cheminot. C'est votre job de me donner le bras et de m'escorter. Bien sûr. Mais la SNCB donc, est en pleine restructuration, il y a de moins en moins de personnel. Et d'ailleurs, dans une brochure guide des voyageurs aux personnes à mobilité réduite, il est indiqué que le service est en fonction de la disponibilité du personnel. Donc c'est ça qu'on dénonce, il faut beaucoup plus de personnel, il faut engager des gens, il faut financer suffisamment la SNCB pour qu'il y ait un service public assuré et un service aux voyageurs. Vous avez eu vos collègues de la Défense, les syndicats Défense, SLFP Défense, vous les avez eus en ligne ou pas ? Non, je ne les ai pas eus en ligne. Je prendrai sans doute contact avec mon collègue de la CGSP Défense, Patrick Dessy, pour en discuter. Mais bon, c'est vrai que cette photo est un peu choc, mais c'est la réalité. D'ailleurs, on a dénoncé récemment qu'à Scarbec, gare où il y a quand même le musée du chemin de fer, on a supprimé le sous-chef de gare, donc il n'y a plus personne dans la journée. Ah ben donc ça veut dire que c'est une stratégie de communication que vous assumez alors. Philippe Dubois, on n'ira pas plus loin. Vous êtes secrétaire permanent CGSP Cheminot, région bruxelloise. On va vers les enseignements juste après la pause. Sophie, il ne reste que quelques jours pour en profiter. Pourquoi ? Tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Bon, allez, on y va. Profitez de la grande liquidation avant travaux aux meubles Lambermont à Bertry. Séjour, living, chambre à coucher, salon, literie, tout doit disparaître. Meubles Lambermont à Bertry en Ardennes, E411, sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Cette semaine avec Femme d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour cuisiner vite et bon. Des plats qui feront plaisir à tout le monde. Femme d'aujourd'hui, tellement nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Les enseignements, et on commence par le débrief de la question qui dérange, les cheminots qui n'aiment pas quand deux militaires aident une vieille dame à la gare du Midi, sur la page Facebook Zoé Boss. Marion Jomotte, et vous êtes 40 400... Zoé Boss, Marion Jomotte. Voilà. Oui. Et vous êtes 40 405 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Énormément de soutien, de remerciements destinés aux militaires qui ont aidé cette dame sur notre page Facebook. Brigitte, elle se pose cette question. Est-ce que les cheminots auraient eu la même réaction si ça avait été des civils qui avaient aidé cette dame? Bernadette, elle se demande depuis quand il faut une autorisation pour aider quelqu'un. Et enfin, Christelle trouve juste cette photo magnifique. Vous avez choisi une conversation tout à l'heure sur Fatima qui demande de l'aide. À partir de demain, le règlement de son école d'informatique change et elle ne pourra plus porter le voile. Qui peut l'aider? Eh bien, personne apparemment, puisque Nadia s'est contentée d'un « tais-toi Fatima » ou encore Marie-Claire qui résume ce choix dans le fond à un choix entre études ou chômage. Fatima n'a qu'à se débrouiller avec ça. Vous aurez noté le pragmatisme de certains ce matin. La règle évolue. Eh bien, alors il faut respecter la règle car elle évolue et il faut la respecter. Et puis l'appel de Safia. Ce combat vaut la résistance, que Fatima arrête ses études, le voile avant tout. La voilà, Zoé Boss, dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard. C'était Olivier de Woluwe Saint-Pierre. Il est pour la liberté de tout un chacun quand elle n'est pas manipulée. Mais dans ce cas précis, il a l'impression que ce n'est pas le cas. Certes, il y a une recrudescence du port du voile, mais ce sont souvent des gamines qui le portent sans comprendre pourquoi. C'est donc de la manipulation. Olivier conseille à Fatima d'enlever son voile. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur l'étudiante voilée qui demain le sera peut-être encore parmi les moments de ce matin. Il y a eu Marie-Claire de Liège à 10h13. Sa petite fille est convertie, elle porte le voile, mais elle l'enlève avant de rentrer en classe. Qu'elle fasse comme ma petite fille, quand elle rentre à l'école, qu'elle enlève son voile, elle l'étudie et elle le remet pour sortir. C'est un règlement de l'école et tout. Ou bien elle choisit ses études... Et ou bien elle continue au chômage. Il faut choisir dans la vie. Hein. Et de toi, Lucia Tedora, je crois que si elle s'assied dans une école, l'école a un règlement d'ordre intérieur, elle doit respecter. On n'est pas ici pour avoir chaque personne qui va poser sa loi. Si moi, finalement, je m'inscris à une école en disant que mes convictions religieuses m'obligent à venir torse nu et en maillot de bain, j'irai à l'école en torse nu et en maillot de bain. Il y a quand même des limites. Pour son avenir, elle peut. Elle peut l'enlever pour passer son examen. Mais moi, j'accuse le gouvernement belge. Chaque fois qu'on parle de voile, ça y est, la polémique, ça y est, on demande ça et ça. La pauvre ici, depuis 2 ans, s'il vous plaît. Et au jour le lendemain, on dit enlève. Mais c'est incroyable, ça. C'est comme le burkini en France. C'est des hommes politiques qui veulent marquer le terrain. C'est comme un animal. Excusez-moi, Benjamin, il y a un règlement d'ordre intérieur qu'on signe tous les ans. Donc cela veut dire que mon fils doit respecter. Ça aurait été une fille, eh ben ça aurait été la même chose. Elle devrait respecter. On est dans un pays où on doit respecter la Belgique. On est venu ici pour gagner notre tartine. Respectons les Belges qui sont autour de nous quand même. La loi évolue. Et ce n'est pas parce que vous la découvrez que vous ne pouvez pas vous y conformer. La loi est la même pour tous. Qu'elle se conforme, comme les autres étudiants, comme les autres personnes qui habitent en Belgique, à la loi belge, et à l'occurrence, a fortiori, à nos us et coutumes. Et voilà donc pour nos 2 heures de dialogue, un débat qui se poursuit sur la page Facebook. Vous êtes très très très nombreux ce matin. Soyez courtois, elle est à votre disposition. À demain.